Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 84e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Ouais, je me suis dit. C'est bien le 84, c'est nickel. T'as vu ? Et autour d'un VR, c'est l'émission avec de la passion, avec de l'amour du jeu vidéo, avec des rires, des larmes, beaucoup de conneries. Et pour m'accompagner, j'accueille Laurent. Salut Lolo. Salut tout le monde. Dernière émission. Dernière émission avant la trêve de la saison estivale. Avant la trêve estivale. Et oui. Et nous avons aussi El Rocco. Salut El. Coucou, coucou tout le monde. Comment ça va ? Oh, moi bien. J'étais obligé d'être là pour la dernière, donc voilà, hein, on pouvait pas la rater. Ouais. Enfin, le mec est volontaire, j'étais obligé d'être là. Ouais, on m'a forcé. si tu viens. Moi, franchement, ce soir, j'avais autre chose à foutre, mais bon, là, comment m'a demandé. Et ensuite, nous avons Majo. Salut, Majo. Salut. Ça va, Majo? Bah, écoute, oui, ça va, en forme. Ouais, nickel. Bah, ouais, au top. Impeccable. On a découvert une vraie photo du PSVR 2, alors moi je suis content. Wow, sur un beau fauteuil en cuir, alors moi ça m'a refait ma semaine. Quoi. Un fauteuil massant, semblerait, du coup. Fauteuil massant, oui. Voilà. Parce que voilà, nous, ce qu'on aime bien, juste, c'est rentrer vraiment dans les précisions techniques. Et donc voilà, là on va faire un truc qu'on a appris avec cette nouvelle photo, c'est que le fauteuil est massant. Oui, d'ailleurs, c'est pas du vrai cuir, parce qu'on veut pas les associations sur le dos. Donc, oui, voilà. Ça, on dirait du Sky. C'est du simili. C'est du Sky. Ouais. Très bon simili de qualité avec une belle couture, une belle finition. Ouais. C'est vrai. un truc qui tient dans le temps, en fait, justement, sur ce fauteuil. On sent le fauteuil de qualité, on sent qu'ils ont les moyens chez Bitplanet, c'est bien. Voilà. Bel ouvrage. L'autre hypothèse, c'est soit c'est des trucs massants sur le dossier, soit le mec, il a une colonne vertébrale bien turgescente à la Hellraiser qui plante dans le fauteuil. C'est possible. Problème de dos peut-être. Problème c'est les vis. C'est les vis du fauteuil en fait, tu vois. Le fauteuil est bien usé, je crois que ça traverse alors, le truc. Ou alors c'est un nouvel accessoire VR, donc qui se branche directement sur ta colonne vertébrale quand tu te mets donc manière Matrix, histoire d'aller avec le PSVR 2. Et c'est du teasing en fait, on n'a rien compris. Putain, mais c'est du teasing pour du matériel VR, voilà. C'est ça. Parce que bon, on connaît les caractéristiques techniques du PSVR 2. Voilà, on connaît toutes les caractéristiques. On connaît le visuel. Tout le monde est en train de se focaliser sur le PSVR 2 qui est sur ce fauteuil. Mais en fait, l'intérêt, c'est pas la PSVR 2, quoi. C'est le fauteuil. Vous savez que chez VR for Player, on aime bien aller au-delà de l'information. Et l'information qu'on nous donne, c'est ça. Nous, on regarde ce qu'il y a derrière. L'investigation. 84e podcast spécial sur la chaise en cuir. Sur le fauteuil. D'ailleurs, tu voulais sur pas faire. Le fauteuil en cuir. Tu rigoles, Laurent. Il y a quelques semaines, tu voulais faire un article sur un fauteuil, je crois. C'est vrai. Oui, tu voulais le faire. On t'a retenu les pieds et les mains pour pas que tu le fasses. Ah non, pas du tout. Non. Vous m'avez pas retenu. J'ai demandé le fauteuil et derrière, ils m'ont dit combien vous faites de vues si j'ai VR for Player, tout le bordel. J'ai pas répondu. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. On voit que, à l'image, que c'est pas le nouveau fauteuil d'ailleurs. Ah bon, on va le mettre sur vrac, donc bon, ça fera 20 vues quoi. À peu près. Ah oh, bah, c'est bon, on vous en envoie 4. Ouais. C'est ça. Ça serait bien, n'empêche. Mais ouais. Et ta super question, vous pensez, les gars, si je fais un test sur un fauteuil, parce que la VR ça se joue sur les fauteuils, donc c'est bon, ça. Il y a un lien, ça passe. Trop pas. Il y a tellement rien à bouffer que bientôt on va faire un truc. Marc, on avait déjà fait une vidéo sur l'adaptateur. Hein, donc, exactement. On pourrait très bien faire un truc. Sur qui a très bien marché en plus. Hein. C'était une connerie. Non, mais enfin, appelle NordVPN. Quand tu vois, Lolo. Quand tu vois les autres. Oui, exactement. Quand tu vois les autres youtubeurs qui balancent 30 minutes sur NordVPN, ben, bien sûr, c'est pour financer leur chaîne, hein, faut pas se mentir. Derrière, tu te dis, moi le mec il me propose des sous pour présenter son fauteuil. Je dis, vaut mieux présenter un fauteuil que présenter, je sais pas moi, une recette de la tarte aux pommes. Donc après, tu peux manger la tarte aux pommes entre deux parties de verre. Hein. Dans ton fauteuil. Après, le souci, c'est que derrière, après, ben, tu te fais démarcher. Donc, ils te disent, bon, on a un nouveau fauteuil gamer qui a l'air relativement sympa quand même. On serait intéressé pour que vous en parliez dans une de vos vidéos. Derrière, je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et puis derrière, par contre, tu reçois un truc à remplir. Où là, alors là, attention, il faut qu'il y ait le nombre de visiteurs sur le site, les pays, tout le machin. T'as un formulaire à la con à remplir. J'ai vu ça, je dis, allez hop, c'est bon. Si c'est pour faire une vidéo qui fait 200 vues et puis te faire chier, laisse tomber. Ok, bon. Du coup, tu gardes ton fauteuil. Donc, du coup, je garde mon fauteuil qui grince. Ouais, il grince. Ouais, qui me fait bien chier pour le montage d'ailleurs. Qui a la lèpre, qui se décompose à vue d'œil. Alors, pour tous les auditeurs qui n'ont pas zappé déjà cette émission parce qu'ils ont pris peur. Si on parlait VR un peu. Du chemin que ça allait prendre. Comme je voudrais parler de No Man's Sky. Comme tu nous fais chier avec No Man's Sky. Du coup, comme on le disait tout à l'heure, c'est la dernière émission de la saison avant la trêve estivale. Comme d'habitude. Comme on a l'habitude de le dire, s'il y a vraiment un événement exceptionnel qui se passe pendant l'été, bah on fera forcément une émission pendant cette période-là. Et à chaque fois que j'ai dit ça, à chaque fois, on n'a jamais fait d'émission de toute façon l'été. Donc voilà, on ne va pas se raconter du flan. Et puis bah, je tenais du coup à remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant cette saison encore, qu'on supportait nos élucubrations, nos coups de gueule et nos conneries. Voilà, bah merci à vous de continuer de nous suivre et de nous soutenir. Merci. Parce que voilà, sans ça, ça ferait déjà une belle durée qu'on aurait arrêté. Donc voilà, un gros merci à tout le monde. Et puis on va commencer du coup par les news de Lolo. Avant que tu déconnectes. D'accord. Il y a un bouton sur ce fauteuil en cuir quand même. Oh, ça, oh, bon, allez, on commence. Bah oui, c'est le réglage pour les massages. Tu sais, c'est Et peut-être même c'est chauffant. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ouais. Peut-être enfin, même bon, c'est bref. Chauffant. Et je suis même pas sûr que le chauffage sur les fauteuils ce soit une bonne chose pour le dos d'ailleurs. Pleurimatisme. Pour des commencer, moi, je voudrais reparler de. Tu vois comme j'esquive parce que je sens que tu pars en vrille. Non, t'as déjà essayé toi les fauteuils chauds. Non, vas-y. Les mecs ils vont. Je me venge. Ouais, ben n'empêche que ce fauteuil en deux jours, on a dû se le taper sur Twitter, c'est impressionnant. Il y a que ça en fait. Tu tapes hashtag PSVR2, t'as que ce fauteuil tout le long. Au milieu, il y a un truc blanc avec un casque, mais bon, à la limite, on s'en fout parce que ça apporte rien de plus. Le seul truc que ça apporte, c'est qu'on voit le fil. On voit les deux petits élastiques qui tiennent le fil. Il n'y a bien qu'un seul fil. On voit également la prise USB. Donc USB d'un côté et USB-C de l'autre côté pour recharger les Sense. Et on voit certainement ce qui doit être un casque audio style ce qu'on avait sur le PSVR 1. Mais bon, au final, il n'y a rien de neuf. Et c'est hallucinant de voir à tel point qu'il n'y a rien à bouffer que les mecs, ils sont à fond. Quoi. Ils sont capables de sortir des articles de 600 ou 700 mots juste sur cette photo. Et nous, on l'a regardé. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ouais, il y a une photo. Ouais, mais alors, j'en ai lu un. Plus, quoi. J'en ai lu un, alors ouais. Du coup c'est BitPlanet, donc le développeur d'Ultra Wings, qui a balancé donc cette photo sur Twitter, vraisemblablement en pensant que le NDA était levé. Que c'était une bonne idée. Et en fait, du coup, bon, bah, quelques minutes après, le tweet a sauté, et en fait il en a remis un apparemment, et puis j'ai lu un article dans lequel il s'est expliqué. Entre guillemets, en disant que en fait c'était un mélange de montage en carton et d'impression 3D, qu'en fait c'était pas du tout le vrai. il s'enfonce, mettez-toi. Ouais, ou alors il cherche à faire encore plus de buzz et ça marche, puisque du coup bah, tout le monde parle de son fauteuil en cuir. C'était un hologramme. Voilà. Mais j'ai trouvé ça assez marrant comme explication. Voilà. Ah, faut ouais. Faut l'assumer quoi. Ouais, non, mais je te dis, c'est pour faire le buzz, y a pas de. Ouais. Si ça se trouve, il le savait très bien. Ou alors le NDA a effectivement été levé, mais bon. Après, réellement, on n'en sait rien. Finalement, tout le monde parle de BitPlanet, tout le monde parle du PSVR2 qui a fuité en photo. C'est et ça. Tout le monde sait qu'Ultra Wings va arriver, Ultra Wings 2 va arriver. Bon coup, voilà, la communication est faite. Et mais, c'est bien. Quoi. Voilà. Mais c'est bien. Ça relance la hype. Voilà. On l'avait glissé, Ultra Wings 2, on l'avait glissé dans les 51 jeux PSVR 2 en prévision, donc ça fait que confirmer. Maintenant qu'ils ont ça dans les mains, tu peux être sûr qu'Ultra Wings va arriver, quoi. Et puis à noter par contre, ce qui est intéressant, moi, enfin, le seul truc que j'ai retenu à cette photo, c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est que les très petits studios, parce que BitPlanet là, ils sont, c'est vraiment un petit studio, ils ont reçu enfin les dev kits de PSVR 2. Donc il y avait plusieurs studios qui nous avaient fait des retours. Je pense à Dash Dash Racing. Je crois qu'ils sont coréens qui attendaient d'avoir le dev kit aussi. Il y a eu d'autres studios qui nous ont confirmé qu'ils avaient reçu le dev kit. Pas un dev kit parce que c'est le PSVR 2 en fait. Lolo, Dash Dash Racing, c'est ceux qui ont fait Dash Dash World. C'est ça, Dash Dash World. Qui devait donc sortir sur le premier PSVR, non? Ils devaient arriver sur le premier PSVR et ils ont préféré le balancer sur Quest. Alors moi, entre-temps, je les ai relancés plusieurs fois. Parce que bien souvent, la semaine, eh ben, j'envoie des petits messages pour garder le contact avec les studios. Ils ont confirmé que la version PSVR était bien, ils avaient laissé tomber, mais qu'ils se concentraient sur le PSVR 2 et qu'ils attendaient le dev kit. Le dev kit, donc le casque, le PSVR 2. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que des studios comme ça, je dois en avoir 4 ou 5 qui m'ont déjà confirmé qu'ils avaient reçu le PSVR 2. Et c'est tous des petits studios, donc on sait que les gros, ils les ont eus il y a à peu près 8 mois. À la date de Media Molecule, hein, quand ils avaient commencé à lancer, bah maintenant c'est les petits indés qui commencent à l'avoir, donc ça avance quand même. Surtout quand on se rappelle aussi que Marc Cerny avait dit qu'un jeu PC pouvait être adapté sur PS5 grâce au dev kit de la PS5 en à peu près un mois. Donc on peut se dire que des jeux comme Dash World qui sont déjà fonctionnels sur PC peuvent être très rapidement convertis sur le PSVR 2. Bon, il y a un mois, ça doit être juste pour le jeu. Après, il y a tout le bordel de l'eye tracking, de tout ce machin qui doit faire du travail en plus. Mais avec une petite équipe, à mon avis, ils doivent pouvoir le porter en 3-4 mois. Donc c'est sachant bon que l'eye tracking, sachant que l'eye tracking reste optionnel, je pense, dans le développement des jeux. Hein. C'est vraiment au bon vouloir. Oui, de... aussi. Ouais. En plus, c'est sûr que si t'as un jeu Quest, ça te sert à rien l'eye tracking, donc tu l'actives pas, quoi. Et en parlant de transition, alors qu'on en a pas du tout parlé, est-ce que ça serait pas justement le moment de faire le petit erratum sur la news que t'avais vu, sur une confirmation ou un tweet que t'avais vu concernant un jeu qui était un jeu français, PlayStation VR News, ouais. Qui ont tweeté le 28 juin, donc c'est tout neuf, hein, c'était il y a deux jours. Ils ont tweeté que Soul of Cairo, un petit jeu sympa indé, allait arriver sur PlayStation VR 2. Alors il se trouve que le studio, c'est le studio Brain Up, c'est un studio de Bordeaux, c'est des Français, on est en contact avec eux depuis plusieurs mois. Et puis de temps en temps, on se fait des petits messages et tout ça. Donc en fait, ils ont complètement halluciné. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Alors le jeu est bien prévu en VR. Ils veulent le faire en VR. Seul souci, c'est que c'est leur premier jeu et que c'est un tout petit studio. Et ils ne veulent pas se gaufrer. Surtout qu'au niveau subvention, eh bien, ils ont plus de subventions s'ils proposent un jeu plat. Donc ils vont plutôt jouer la carte de la sécurité en sortant le jeu sur Xbox, sur PlayStation en version plate, et ils verront ensuite la version VR. Donc ils m'ont complètement confirmé que PlayStation VR News avait complètement halluciné parce qu'ils sont un peu emballés, quoi. Ouais, complètement. Il n'est pas prévu sur PlayStation VR 2 du tout, en tout cas pas pour l'instant, quoi. Surtout que ils ont pas non plus les dev kits, donc la demande est en cours, mais pour l'instant on en est là. Ok. Donc voilà. C'est histoire qu'on s'emballe pas sur ce jeu-là en tout cas, même si ça devrait être bien sympa en dehors. Il a pas dit que c'était à cause aussi des éventuellement des hashtags qui étaient mis. Qui étaient mis sur Twitter en fait sur les publications. Le studio, ils sont deux associés. Alors des fois, il doit avoir peut-être des intervenants qui viennent les aider. Et puis, il y en a un qui a eu le malheur de mettre le hashtag PSVR2. Et puis, bloum, ça s'enflamme. Ça, nous, on l'a connu, hein, parce que chez VR4 Player, en 2016, quand on voyait un hashtag PSVR, on disait putain, il arrive sur PSVR. On commençait vite à faire un article. Puis maintenant, avec l'expérience, maintenant qu'on est des anciens du PSVR, on a bien 5 ans, 6 ans. La bouteille. Disons que maintenant, on s'en méfie quand on voit qu'un développeur balance un hashtag PSVR, ça ne veut pas forcément dire que le jeu va arriver sur PSVR, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il a envie de profiter des joueurs PSVR pour faire parler de son jeu et augmenter comme ça. Et puis on s'est tellement fait avoir, je ne sais pas combien de fois, que maintenant, c'est pour ça qu'on préfère contacter les développeurs, savoir si, ou vraiment quand il y a plusieurs indices, là on en parle, mais s'il n'y a qu'un hashtag, on n'en parle pas en fait. Ok, fort bien. Bon. Ensuite, qu'as-tu dans ta besace ? Alors, je voulais reparler de The Invisible, le jeu, ça se passe un petit peu sur Mars, il avait été annoncé le 16 septembre 2020, donc c'est un studio polonais qui développe ça, c'est Star Wars Industries, je savais. En plus je sors d'Obi-Wan Kenobi, donc je dis Star Wars, voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'est que le créateur, le boss du studio, Est-ce que je vais me tenter à dire son nom, parce qu'avec les Polonais, alors c'est Marek Markuszewski, avait annoncé en mai 2019, je souligne que le jeu The Invisible sera disponible pour les PC, les consoles next-gen, mais aussi les casques de réalité virtuelle VR. Donc il avait annoncé ça en mai 2019. Donc à la suite de cette annonce, nous on avait fait un article sur le site. Et puis il y a un nouveau trailer qui est sorti il y a deux semaines à peu près. Donc du coup, c'était peut-être l'occasion d'en reparler. Alors attention, là ici, il n'y a pas de confirmation du studio que le jeu arrivera sur PSVR 2. On sait juste que le créateur est intéressé par la VR. Et que éventuellement, en plus, quand on voit le trailer, on voit que ça s'y prêterait à merveille. Quoi. Le jeu, il est fait pour la VR. Donc, c'est toujours. C'était une petite piqûre de rappel pour dire que celui-ci, on le garde dans le coin. On n'a pas de confirmation, mais en tout cas, il a le profil parfait pour arriver en VR. Mmh. Il avait quand même précisé qu'ils y pensaient toujours. Oui. En tout cas, ça sortirait pas en même temps que la version plate du jeu sur console next-gen ni sur PC. Ah oui, bah alors ça justement, c'était Maciej Drobowalski. Ah ouais. le chef marketing qui avait annoncé que la VR est quelque chose que nous étudions et nous aimerions porter notre jeu The Invisible en VR dans le futur. Ce ne sera pas au moment du lancement, mais très probablement quelques temps après. Donc il y a quand même quelques indices qui font que le studio s'intéresse à la VR sans balancer des hashtags de partout, mais il y a quand même quelque chose à creuser. Alors ce studio polonais, il est intéressant aussi parce que c'est un petit studio qui a travaillé avec CD Projekt. Mais par contre, ils sont rentrés en guerre, ils ne se supportent pas en fait entre CD Projekt et ce studio-là. D'ailleurs, quand CD Projekt a eu des soucis avec le créateur de la licence Witcher, il l'avait bien taclé à cette époque-là. Et eux, ils font un petit peu la même démarche, c'est-à-dire que pour le scénario du jeu, ils partent d'une œuvre, le roman de science-fiction Planète du désert, qui a été écrit en 64 par Stanislaw Lem. Et donc, le scénario, bah, en fait, ils ont racheté les droits pour ce jeu-là. Donc, c'est déjà un studio qui a quand même investi pas mal d'argent dans son jeu. Ils parlent en plus de VR, donc c'est solide, même si pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est solide. Et c'est la confirmation aussi qu'il y aura un scénario plutôt bien foutu, quoi. Eh ben, tiré d'un livre, tiré d'un roman. Parce que comme tu mets dans l'article, en plus, c'est le gars qui a fait Solaris aussi, qui est quand même... Oui, c'est ça. Qui est pas forcément avec George Clooney. Il y avait une version qui est bien plus vieille et qui est vraiment un classique aussi de Solaris, mais un film assez lent, mais qui reste quand même un monument, quoi. En tout cas, il y a les petits studios qui n'ont pas forcément l'argent parce qu'un dev kit ça coûte des ronds, il faut déjà se payer le dev kit, après il faut se payer le casque. Ce genre de studio, ils ont déjà les moyens d'acheter les droits d'auteur pour asseoir leur scénario à partir d'un roman. Donc c'est déjà des studios qui ne sont pas si petits et qui, quand ils commencent à parler de VR, à mon avis... Je pense que... Alors ça arrivera peut-être pas tout de suite sur PSVR 2. Moi, je le verrais bien arriver sur PC. En gros, ouais, voilà, la ligne, c'est un petit peu comme tout à l'heure. On le sort sur du plat et puis on verra après la version VR. Du moment qu'il n'y a pas un trop gros décalage entre la sortie plate et la sortie VR, voire même un abandon carrément de la version VR parce que les ventes... Si les ventes sont mauvaises, c'est des jeux qui arriveront jamais. Là, s'il n'y a pas un trop gros écart, de ce qu'on en lit, ils n'ont pas du tout commencé, quoi. Donc le jeu est déjà prévu pour 2023, ils n'ont pas du tout commencé à s'y atteler, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils pensent à beaucoup de choses s'ils n'ont pas du tout. Alors ça je dirais, ça dépend, parce que tu as le jeu plat qui a été développé tout en se disant qu'on va peut-être le porter en VR, et dans ce cas-là ils ont fait attention à leur caméra, ils ont fait un développement plat tout en pensant derrière, et là ça peut aller très très vite aux interactions en VR. Voilà. Quand on voit ce que Vorpix arrive à faire sans rien. Si ça se trouve, les développeurs ont déjà pensé en ça pendant le processus de développement. Donc, il y aura au moins un an d'écart. Quand tu veux sortir un jeu où justement t'as pas prévu la VR et derrière tu te dis je veux le porter, là par contre tu risques d'avoir du boulot derrière. Est-ce que ça voudrait pas quand même bien long un an de développement pour la VR, parce que quand tu vois un peu le type de gameplay du jeu, déjà rien que en plat. Enfin, moi je sais pas trop vous, mais appuyer sur clic gauche pour grimper une échelle, choper la rambarde et avancer comme ça, étape par étape. En fait, le clic gauche, c'est une étape. C'est mettre un pied droit, ensuite le pied gauche. C'est assez bizarre, quoi. C'est plus un gameplay VR. Alors, je sais pas. Pour moi, c'est un jeu VR. Et puis, ils sont. C'est un jeu VR adapté en plat, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je sais que ça m'a, vu comme il est foutu le jeu troisième personne, c'est un truc qui fait un peu penser le jeu du studio espagnol là qui était très joli. Il y a le 2 qui arrive, je sais plus, j'ai bouffé Farpoint. Le nom. Red Matter. Voilà. Des jeux comme ça, c'est clair que ouais, ils sont développés en VR à la base. Ils voulaient le faire en VR. Ils ont vu que la VR en ce moment, elle était en petite baisse de forme, et puis que des MOS 2 s'en prenaient plein la figure. Et ils se disent bon, on va sortir la version plate, on va rentrer le pognon pour le studio, et puis histoire de pouvoir respirer un petit peu, et puis derrière on balancera la version VR. De toute façon, le PSVR 2 n'est pas encore là. La VR n'est pas vraiment en baisse de forme. C'est les versions PSVR qui sont en baisse de forme. Oui, la VR. Oui, non mais. Stagnouille un peu quand même, même sur PC. Il n'y a plus Vive, il n'y a plus vraiment Vive, il n'y a plus le Valve Index, il est super ce casque, mais pour l'instant c'est plutôt. Tu enlèves le Quest 2, il n'y a plus rien quoi. Donc après. Il y a quand même beaucoup de hardware sur le marché. Alors après, effectivement, ça vivote parce que on sait ce que ça vaut. Enfin, les jeux, on voit ce qu'ils donnent en ce moment. Mais c'est vrai que peut-être un gros jeu, un bon jeu, bon, compatible PC VR, avec une bonne com dessus. Oui, mais si tu te mets à la place d'un développeur aujourd'hui, tu vas te dire comment je vais faire du fric. Soit je fais mon jeu Quest 2. C'est toujours pareil, il fait les deux. Oui, soit je fais mon jeu Quest 2, soit je vois qu'en ce moment le PSVR 2 est pas là. Valve vont certainement annoncer un concurrent au Quest 2 dans pas longtemps. Il y a Apple qui déboule. Il y a le marché qui peut redémarrer sur une deuxième génération de casques à partir du PSVR 2 là, où les casques même Meta, ils vont sortir des nouveaux casques bien plus performants. Apple, vaut ça semble pas être du gaming. Vaut mieux garder ton jeu, vaut mieux le garder au chaud. Le peaufiner et le sortir quand il y a cette vague-là, parce que là, tu vendras beaucoup plus que... On sait que les ventes se font au début, hein, de toute façon, sur le premier mois. Après, s'ils le sortent maintenant, ils sont un peu dans le creux de la vague. Donc moi, je comprends que je serai à leur place, je ferai pareil, j'attendrai. Ouais, mais puisqu'ils le sortent en plat, on en avait déjà parlé, je crois que c'était pour F1 2022, puisqu'il sort en plat déjà à la base et qu'ils ont prévu de le porter VR, je veux dire, pour moi, c'est pas vraiment un argument de se dire bon, ben, la VR est en berne. Il le sortirait que VR, je comprends, mais là, comme ils sortent les deux, si tu veux, pour moi, c'est pas un argument de se dire la VR, ça freine un peu parce que les jeux sont moyens, on va pas le faire, quoi, tu vois. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux, pour les développeurs d'annoncer directement, alors, on va le sortir en plat à cette date, un an après, il sort, enfin, avec la même boîte que vous aurez acheté ou la même version digit. Vous aurez le patch VR gratuitement quand le casque sortira. C'est pas bon ça. Ah oui, de le dire comme ça, du coup les gens achètent le jeu en plat. Mais si tu joues au jeu en plat, t'as plus forcément envie d'y jouer en VR. Ah oui, c'est clair. Bah, oui. Oui, ou t'attendras pour l'acheter. Donc il vaut mieux VR en patch. Et puis il vaut peut-être mieux garder la surprise parce que comme ça tu peux revendre une version VR derrière. Enfin bon, c'est du business, hein, mais on sait comment ça fonctionne. Skyrim. Moi je pense que ce MOS 2 a mis une petite claque sur le marché du PSVR. Le Quest 2 va ralentir et Meta vont revenir avec un nouveau casque, hein, ça arrivera. Le Quest 3 il arrivera, hein, de toute façon. Je pense qu'il y a une deuxième vague qui est en train de se préparer, on est dans le creux de la vague. Et en ce moment, vu ce qu'a eu MOS 2 sur PSVR, bon, il va mieux marcher sur Quest 2 parce qu'il y a beaucoup de gens sur Quest 2, mais c'était peut-être pas le bon moment pour, à mon avis, il vaut mieux le repousser un petit peu. C'était et pas gagner le bon move. Un peu plus de fric plus tard, quoi. En tout cas, il a l'air bien, donc ouais, ça serait dommage qu'il se croûte. Hein. Ça a l'air chouette. Très scénarisé. Bon, ça doit être réglé comme sur du papier à musique, hein. Tu dois vraiment suivre une ligne directrice, mais c'est vrai que d'un point de vue scénario, ça rappelle tous ces films comme Mission to Mars ou des trucs comme ça où tu avais une civilisation extraterrestre ou alors... Les vieux films des années 60. Ouais, c'est ça, parce que c'est un aspect. Oh non, c'est plus récent quand même. C'est un aspect futuriste, mais à l'ancienne. Rétro, quoi. Rétro-futuriste en fait. Ouais. Oui, c'est rétro, ouais. Tu sais, les machines, on dirait des vieilles, un peu la guerre des mondes, mais les anciennes. Ouais, les caravanes en inox. Ouais. C'est sympa. Ok. Après, bah, je ne sais pas si vous voulez reparler, vous, de Swordsman Advanced Combat Update. Eh bien, il y a la vidéo que vous avez fait tous les deux, Loco et Majo. Qui est plutôt complète, d'ailleurs. Allez voir, sur, qui est très bien écrite, très bien faite, sachant qu'elle n'est pas du tout écrite. Elle n'est pas du tout écrite, d'ailleurs. Elle est écrite dans l'air. Voilà, mais voilà, c'est à l'instinct, quoi. C'est l'improvisation. Sans la passion qui parle. Voilà. Et en donc, one shot, en plus. En one shot, ouais, mais c'est le talent ça, maintenant vous êtes complètement rodé au podcast. Donc. La complémentarité, c'est beau. Exactement. Petite vidéo de 25 minutes. Non, elle est plus courte que ça. Mais après, ouais, 17, ça va 17. Pour résumer, on a mis un peu de gameplay, on a fait des petits comparos avec la version antérieure. On y parle donc de la mise à jour Advanced Combat, qui reprend voilà, le système de combat, fait surtout en fait, les mouvements ennemis. Que ce soit d'esquive ou d'attaque, avec quelques gestes d'anticipation supplémentaires qui fonctionnent bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc ça sera plus clair et mieux expliqué dans le vrac, puisqu'on était à fond dedans pour l'explication. Donc je vous invite à y aller. Ça sera plus clair pour vous, mais sinon c'était une bonne surprise. Voilà. Pour résumer, dans l'esprit, c'était une bonne surprise. Ok, bon. Donc allez voir, vous abonner à Vrac, et puis mettre des petits pouces bleus pour ces gentils garçons qui se sont donné du mal pour cette vidéo. Et ensuite, on va parler, Laurent, de Blockstar VR. Alors oui, Blockstar VR, alors, que un c'est jeu que ce annoncé... Truc. Alors, ça fait un peu peur ce genre de jeu. En gros, c'est un espèce de Beat Saber, sauf que t'as pas des sabres, t'as des pistolets. Donc c'est une sorte de pistol whip, du coup. C'est, voilà, ouais. T'es plutôt dans un couloir comme Beat Saber, avec des trucs qui vont venir vers toi, des cibles, et papa, tu pétarades dans tous les sens. Un peu comme pistol whip, oui, voilà. Non, pistol whip, t'es pas dans un couloir, tu avances sur un terrain, alors que là, tu avances dans un couloir, c'est vrai. C'est pas le couloir là, tu avances dans le couloir. Là, tu ne bouges pas et tu as les cubes qui viennent sur toi. Voilà. Donc. Non, mais laisse-le dire. Ah, mais c'est pas pareil. Oui, non, c'est pas le même gameplay. Ça n'a rien à voir. Comme le cuir et le simili-cuir, rien à voir. Voilà. Quel beau fauteuil d'ailleurs, au passage. Tout ça pour dire que de toute façon, c'est encore un jeu qui est annoncé PlayStation VR. En ce moment, on l'a pas vu arriver. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le PlayStation Store sur PSVR. Il y a plus rien qui sort en ce moment. C'est une cata. Il y avait énormément de jeux qui étaient annoncés. On les a pas vus. On va être obligé de tester le jeu de chat. Non, simulation de bébé. Oui, c'est les derniers. Ouais, c'est... Non, par contre, t'as un jeu de chat qui est sorti en plat. Peut-être que c'est pour ça que t'as confondu. Mais il y a un jeu de chat où tu fais des conneries de chat, où tu renverses tout sur les tables. Enfin voilà, tu fous tout par terre. Bref, pardon, Lolo. T'as l'air chaud. Le jeu de bébé. Je parle de Blockstar VR et je me retrouve à changer la litière du chat. Bah tu parles de Beat Saber en même temps, donc bon, tu sais. Mais oui, parce que c'est un peu un Beat Saber là. Oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup à un Beat Saber. Bon. Bon, bref. T'as le droit de me dire ta gueule au bout d'un moment. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça fonctionne comme un tournoi. Donc tu arrives sur une planète et tu vas t'inscrire à un grand tournoi intergalactique avec plusieurs espèces. Donc il va certainement y avoir un truc en multijoueur et tout ça. Celui qui fera le meilleur score aura tout gagné. T'as des bonus, t'as 40 missions dans différents domaines, t'as 12 armes uniques. Le jeu annoncé sur PlayStation VR en ce moment, comme je vous dis souvent, un jeu qui est annoncé, qui arrive très tardivement parce qu'il est prévu pour 2023 ou à la fin du troisième trimestre 2022. Qui arrive très tardivement sur PSVR. On se demande s'il a encore une chance de vivre sur le PSVR, sauf si c'est bien sûr un jeu qui sort sur toutes les plateformes en même temps. Là, c'est pas précisé. Le studio a déjà communiqué en disant qu'il y aura une version améliorée sur PS5. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il parlait de PlayStation VR. Et donc, du coup, nous, on a continué à essayer de creuser un petit peu. On les a contactés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a demandé, mais quand vous parlez du PlayStation PlayStation VR, vous pensez pas que le PSVR il a fait sa vie et que maintenant il est un peu mort? Est-ce que c'est pas risqué de balancer votre jeu? Et la réponse m'a fait beaucoup marrer parce qu'il a dit: ah mais oui, mais on ne parle pas du PSVR en tant que plateforme, en tant que casque, on parle de PSVR en tant que plateforme. Donc encore une fois, les studios jouent sur les mots en disant ils ont des NDA, ils ont signé des trucs, ils ont reçu des dev kits et ils veulent parler de leur jeu, mais ils peuvent pas parce qu'ils peuvent pas montrer le casque. On a vu ça avec le joli fauteuil en cuir. Et du coup, et ben ils disent prochainement sur PlayStation VR, alors que le jeu il est carrément prévu sur PlayStation VR 2, ils le savent, mais ils jouent sur des ambiguïtés en disant on parlait pas du PlayStation VR, on parlait de la plateforme PlayStation VR qui intègre le PSVR 1 et le PSVR 2. Donc voilà, d'où l'article sur ce jeu Blockstar VR, donc à venir à mon avis sur PSVR 2. Ok. Ouais, bon. Après, je voulais vous reparler aussi de Teen Hearts. Et c'est pareil, Teen Hearts, Teen Hearts, c'est encore pire parce que c'est un jeu qui a été annoncé à grande pompe par PlayStation. Il y a eu des articles sur le PlayStation blog, des articles sur l'éditeur qui est Wired Productions. Le studio qui développe ça, Roxon, il nous avait promis le jeu avec un joli logo PlayStation VR. On l'attend toujours. Mais après MOS 2, d'ailleurs, il devait arriver. Il n'est jamais sorti. Au départ, il était annoncé pour l'hiver 2021 sur PS4, quand même. Donc, ça fait un petit moment qu'on l'attend. Ça fait un petit moment qu'on le scrute. Et là, c'est pareil. Ça semble clair que le jeu a été annulé dans sa version PSVR. Ou alors, peut-être pas annulé, mais ils vont peut-être sortir le PSVR 2 et le PSVR en même temps. Toujours pour ces histoires de rentabilité et puis de passer ce creux de la vague, certainement. Qu'est-ce qu'ils ont précisé récemment? Donc le jeu, bien sûr, il va arriver de partout. Une version plate, tiens, c'est rigolo. On rentabilise le jeu, surtout que les développeurs, là, c'est des gros développeurs, c'est des développeurs de Fable qui sont dessus. Le jeu arrive sur Steam, sur Epic Game Store, sur GOG, sur Nintendo Switch, sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PCVR et en VR sur PCVR et MetaQuest 2. Et il est prévu sur toutes les plateformes pour l'année 2022. Donc il faut qu'il se dépêche parce que l'année 2022, elle va bientôt se... Et puis vu que le PSVR 2 ne devrait plus trop tarder, donc ça a l'air de concorder avec un jeu de lancement en fait sur le PSVR 2. Un Lemmings-like, faut le rappeler. Un Lemmings-like, voilà. Qui a l'air super mini en plus. Très chouette, ouais. Graphiquement, ça envoie du lourd. Non, puis ça ramène en enfance, quoi. C'est des petits soldats de plomb, c'est des petits jouets, franchement, environnement mignon, gameplay différent, ouais, franchement, ça a l'air... Puis Lemmings-like, il n'y en a pas suffisamment, moi j'ai tellement kiffé Lemmings à l'époque, c'est vrai que ça manque. Est-ce que ça fonctionnera encore, vu les tendances? Ça fait moyennement pam-pam-boum-boum, quoi, Lemmings. Ouais. En plus, je les vois pas se suicider ou tu peux pas les exploser, tu vois, tu peux pas faire des trucs vraiment. Alors mettre un coup de latte, tu vois. Ça faisait partie du plaisir de Lemmings, ça devait faire exploser en chaîne. Attends, qui n'a jamais fait un suicide de masse, tu sais, de les accumuler tous dans un endroit vraiment exigu et tout, et puis. T'en avais même certains qui pétaient en l'air, il y en avait un qui propulsait l'autre et tout, c'était magnifique. Ouais, mais alors. Je sais pas si vous aviez ça sur votre PC, vous. Ce qui était génial, c'est quand tu avais 10 minutes à tuer, tu faisais un niveau et puis. Le démineur, ouais, je l'avais. Ouais. Non, le Lemmings. C'était le truc que j'avais dans le coin de l'ordi. Et dès que j'avais 5 minutes à tuer, pop, je me faisais un niveau. Et c'était pas mal. Ouais. J'avais écouté l'intégrale de François Pérus, justement, on en parlait tout à l'heure. Le Rocco, j'écoutais ça quand j'avais terminé le Lemmings 1 et 2. Ça n'intéressera personne, mais. Les petites anecdotes de Seiya. Moi, hier, j'ai mangé un poisson. Ouais, c'est vrai. Il y avait des arêtes dedans. Incroyable. Non, mais pour revenir à Teen Hearts, franchement, ouais. C'est vrai que c'est encore, comme tu dis, ça doit être cet effet MOS 2, parce que autant avant, il fallait pas parler. Ça fait du mal, hein. Non, mais autant avant, il fallait pas parler du PSVR parce que la VR faisait chier tout le monde. Aujourd'hui, il faut plus parler du PSVR parce qu'il faut parler que du PSVR 2, quoi, tu vois. Et en fait, finalement, dans cette communication, il ne fallait jamais sortir ce casque, quoi, en fait. C'est clair, tu te demandes. Le casque de la honte. Ou tout sortir le même jour. tout sortir le même jour. Tu montes le design, tu montes le prix, les précommandes, tout d'un coup. Ça, c'est le casque ça, de la honte. Par contre, Tinnertz, quand même, un petit. Tout à l'heure, je vous disais que c'était développeur de Fable. L'histoire du studio Roxxon, c'est que des vétérans de Lion's Head Studio. Donc c'est un petit peu comme MOS 2, c'est pareil, hein, Polyarc, c'est que des vétérans qui ont une grosse expérience. C'est un studio britannique qui a été fondé en 2001 par Peter Molyneux et qui a été acquis par Microsoft Molyneux et qui a comme été... sa tête. Alors toi, c'est pas parce que t'as fait super bien ton intro de podcast 84 que... Bon, Peter Molyneux... Oui, c'était quel numéro que t'avais eu du mal à dire d'ailleurs? Je sais pas, je me souviens plus et j'ai pas envie que les gens y retournent écouter ça, donc... De la pigeonnerie. Merde, ils s'en souviennent. Donc, c'est un studio, donc le studio de Peter Molyneux qui avait été racheté par Microsoft Studio en avril 2006 et que Microsoft avait fermé le 30 avril 2016. Et du coup, ben, un petit peu froissé par tout ça, ben, cette petite équipe sont reparties et ont créé Roxxon. Donc c'est pour ça que ce studio, c'est quand même les développeurs qui ont bossé sur Black and White et sur Fable entre 2008 et 2013. Et là, ils se lancent sur de la VR, ils ont une expérience de dingue. Donc j'attends beaucoup en fait de ce petit Inertz qui pourrait bien nous surprendre. Mmh. En tout cas, qui donne envie. Ouais, très. Voilà. Qui est pas, qui est coloré, mais qui est pas simple, contrairement à d'autres jeux, et qui est super mignon. Il a l'air d'avoir des jolis aplats de lumière, c'est... Ouais, moi, il me dit bien, perso. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Que ça peut être sympa. Et ça fait longtemps que je n'ai pas écouté François Pérusse, alors c'est cool. Bah, y a l'air d'y avoir beaucoup d'interactions, en fait, avec les objets du décor, tu vois, qui permettent d'acheminer tous les personnages. Donc, Les petits ballons, les petits... tu dois péter des ballons pour faire tomber ton bonhomme au bon endroit. Enfin, il doit y avoir tout un tas de petites mécaniques sympas. Non, et puis l'idée a l'air sympa, c'est original. Parce que c'est la VR, ce n'est pas que tuerie et zombies. Non, mais ça aide à la démocratiser. La tuerie et les zombies ? Bah, bien sûr que oui. Ouais, c'est vrai. C'est le petit Doom 3 VR qui se pointe son nez. T'as bien vu ? On ressort un jeu de 2003, Doom 3 VR. Hop, il sort dans 2 mois. Enfin, il est sorti 2-3 mois après. Et puis voilà, ça fait un petit pic, un petit poup sur le PSVR. Un voilà, petit poup de hype. Petite mort cérébrale, ah bah non, hop, Doom 3, et après, tut, plus rien. C'est sympa d'ailleurs. Ouais, ouais. Bah, qui est très très bien, qui est génial. Et puis, bon, après, voilà, là on est, de toute façon, je pense que s'il n'y a pas un gros jeu, une grosse licence qui sort sur le PSVR, il n'y aura pas de battement, plus de battement par minute. Hein, parce qu'on voit MOS 2, on voit le résultat de MOS 2 sur PSVR, qui est incompréhensible. Alors que le 1 était, s'est fait une notoriété, était très très bien, le 2 il est aussi bien. Mais bon, ça fait pouf quoi. Donc je pense, ouais. Hormis une grosse licence, pas justement où il y a des zombies ou il y a des FPS sur PSVR, moi je dis ça sert plus à rien. Ouais, je pense aussi. Je pense, enfin, tout le monde a compris. Si elle, on va mettre un drap dessus. Tu sors une version PSVR 2 et tu sors la version PSVR à côté en même temps, les deux en bonus, parce que tout le monde va pas de toute façon pouvoir se procurer le PSVR 2 day one. Il y en a qui ont déjà pas la PS5 donc ils sont peut-être contents de jouer au jeu sur PS4. Et puis tu vois aussi les jeux qui étaient prévus, bah, je crois en plus ce mois-ci, même peut-être avant, Do Not Open, qui a retardé à quand même pas de rien, hein, de 6 mois sa sortie à la fois sur PS5 et sur PS4. Tiens, et puis il avait mis le logo PlayStation VR et PlayStation VR 2 sur sa borne d'arcade de présentation. Oui, sur la borne d'arcade, mais... Et sur sa boîte, c'était PSVR, prévu pour juin, le 2 juin, je sais plus. Mais il y avait un petit couac entre les dates de sortie sur les différents distributeurs, Amazon, Fnac, tout ça, où eux, ils disaient, non, ça sortira en décembre, et tu avais Just for Games qui maintenait la date, c'est pour ça qu'il y avait un demi-espoir, mais non, on peut commander le jeu, mais la date a été rectifiée, c'est fin d'année. Donc je pense que malgré ça, le PSVR 2, ce sera plus 2023. Hein, parce que si tu sors la version PSVR et PSVR 2, quel intérêt de sortir le PSVR 2 Tu sors même pas la version PSVR, t'attends que le PSVR 2 sort et tu sors la version PSVR 2. À moins que les personnes... Bah, ou alors on va avoir du cross-gen sur certains jeux. Ah, ça par contre, ça, ils en ont pas parlé. Je l'espère pas parce que je sais pas comment ils vont mettre ça en place. Mais s'ils y arrivent, ça pourrait chambouler beaucoup de choses. Ouais. Seul l'avenir nous le dira. Je sais pas pourquoi, j'y repense maintenant, je me faisais une réflexion, franchement, s'ils ressortaient des remasters de jeux PSVR, on en parlait, sur PSVR 2, je surkifferais. On va me faire un Astrobot avec... Lequel vous rachèteriez, vous? Astrobot. Majo, t'as pas besoin de répondre. Moi, j'ai pas besoin de leur... C'est surtout que j'ai pas besoin de leur acheter. Coupe-lui le micro, coupe-lui. C'est surtout ça, j'ai pas besoin de... Attendez, laissez-moi réfléchir, Jean Mascaï. Astrobot, ouais. Moss 1. Déjà qu'il était tellement chouette sur le PSVR. Ouais, la compile Moss 1, livre 1, livre 2. Un pack Moss 1 et 2 PSVR 2, je serais preneur en joli aussi. Coffret. J'achète. Ouais. Un petit Farpoint, un petit peu plus. Avec une nouvelle mitraillette, un nouvel AM controller. Et avec la suite. Un bon jeu de bagnole. Et avec la suite. Moi qui n'aime pas les jeux de voiture, mais en VR. On a dit le jeu, Laurent. Bah, le jeu. Un jeu, t'as dit un jeu. Ouais, c'est Robinson. Ça. Robinson, j'ai pas dit. Oh non, putain! Ah ouais, la gifle que ça serait! Oh là là! Ah ouais, non, l'espèce et les dinosaures se sont éteints, on comprend pourquoi avec Robinson. Ah, mais c'est tellement bien, les dinosaures, c'est tellement bien en VR que. Achète Ark, tu peux les grimper et tout, tu vois. Ah ouais, mais il est tout pété de bugs celui-là, il tourne à 20 FPS à chaque fois, quand tu joues à 2, c'est 5 FPS, donc laisse tomber, il me saoule. La passion, Laurent. Il est trop bien. Et toi, les recos, ouais, t'as pas répondu, toi. C'est des jeux. Moi, c'est clair, net et précis, c'est Saints and Sinners, clairement. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est même si, pourtant, c'est pas le plus beau. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus beau. Mais pour moi, en termes d'immersion, remasteré, pardon. Non, mais je veux dire, il est pas beau. Il est quand même sa charte graphique sur PSVR. C'est de sa charte graphique. Vu que c'est de la BD, quoi. C'est un graphisme BD. Avec la résolution un peu meilleure. Quand tu es dans le genre d'école, d'université et tout, que tu vois que dalle et que tu entends les zombies. C'est vrai que ce passage, il est cool. Ce passage, il est vraiment très cool. Et ça te met bien la pression. Et pourtant, le quand jeu, les cloches qui sonnent, ouais, tu flippes. Là. Ouais. Changement d'ambiance, changement de musique, plus de zombies. Alors, déjà, si c'est un remaster sur PS5, tu nous mets une vraie horde là qui va vraiment te mettre la pression. Je vois, en fait, on a bien dit remaster ou remake à la rigueur, mais donc celui-là, déjà qu'il est ouf, est toujours ouf, j'y suis retourné récemment. Franchement, pour moi, en termes d'immersion, c'est dur de le battre. Sur PSVR, c'est le haut du panier, hein. Il fait partie des 10 meilleurs jeux de toute époque, depuis le lancement du casque, clairement dans le top 10, lui. Donc en fait, t'aimerais un remake de Saints and Sinners avec les graphismes du trailer du 2, quoi. J'ai tout compris. On n'a pas eu le bon hardware. On n'a pas eu la vidéo la bonne vidéo. Ou alors ils vont peut-être lancer un nouveau système. C'est après les remakes où ils font chier à faire des jeux plus beaux. Ils vont faire des remakes des jeux moins beaux, comme le 2. Les D-makes. Imaginez The Last of Us en version PS1. Est-ce qu'il y aurait des gens pour l'acheter? Mais il y en a qui a fait une vidéo. Je suis sûr que oui. De toute façon, avec la notoriété, je crois qu'il sortirait sur Game Boy. Il y a des gens. Mais t'as des modes dans The Last of Us. Non, c'est dans le 2, je crois, où t'as un mode pour changer le. Et tu peux jouer avec un truc tout pixelisé, en fait. Ouais. Oh. Ah, j'ai pas fait gaffe. Naughty Dog, ils font ça tout le temps. Dans les options, dans les options de The Last of Us 2, t'as ça. Tu peux jouer avec des couleurs fluo, avec un truc en noir et blanc, avec un fond rouge, avec un truc tout pixelisé. Ah d'accord, ouais. Ok, comme Ghost of Tsushima. Comme Uncharted, comme ça. Ils font des filtres. Moi, il y en a un que je verrais bien remasterisé, qui justement avait été un peu traité de manière différente. Je pense aussi à cause du hardware, c'est Iron Man VR. Ah oui. Ouais. Ouais. La puissance de la PS5, les nouveaux contrôleurs, je pense, pourraient lui faire du bien. C'est vrai, pourquoi pas. Effectivement, avec peut-être une ville de Shanghai. Il y aurait du boulot parce que, ouais, il y a certains. C'est le but du remake. Hein. Ouais, mais là, il y aurait beaucoup de boulot parce que le jeu n'était pas constant en fait. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a. J'ai l'impression qu'ils ont fait des trucs. En repassant par-dessus, avec une base déjà terminée, en gros, en repolichant un peu tout ce qui a été à faire. Pourquoi pas. Parce que le niveau justement en question, c'est le niveau de nuit, là, je me rappelle plus comment il s'appelait, c'était le niveau 2. Ils avaient Shanghai. Insisté sur le fait qu'ils avaient beaucoup travaillé, Shanghai, etc. Enfin, ouais, c'est ça, Shanghai. C'est Shanghai. Ils avaient beaucoup travaillé dessus, justement, que c'était le niveau le plus ambitieux pour eux, avec tous les effets de lumière et tout. Et c'est vrai que putain, c'était un peu la douche froide, bon. J'avoue. Mais, mais je pense que voilà, le petit boost de puissance de la PS5 sur quelque chose voilà, de déjà prêt, poliché un peu mieux, ça pourrait être pas mal. Okay, ah, puis des passages avec des déplacements en téléportation. Au niveau suivant, tu as un passage en déplacement libre. Tu dis, oh, soit on fait des. Oui, c'est vrai, avec les déplacements libres, même quand tu te déplaces dans l'héliporteur ou dans l'appartement de Stark, tu vois, ne serait-ce que ça, déjà, te donnerait un peu plus d'immersion. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Camouflage, si vous nous entendez. Fort bien, mais je suis sûr qu'ils nous écoutent, bien évidemment. T'as donné le tien, Sei, de jeu ? Je sais plus. Ouais, je l'ai donné, j'ai dit Astrobot. Hitman. Parce que justement, moi j'y pensais il y a peu de temps, je fais jouer Astrobot, la version plate sur PS5 à mon fils, parce qu'il me le demande, ça le fait rigoler, il aime bien l'univers et il aime beaucoup ce petit jeu. Et je regardais mes boîtes et je me disais, putain, mais Astrobot... Franchement, j'ai l'impression que je l'ai. Il y a des petits passages que j'ai oubliés en fait d'Astrobot Rescue Mission. Je me le referais bien justement avec des graphismes vraiment une bonne résolution j'aimerais beaucoup le refaire en fait. J'aimerais beaucoup le refaire. Mais comme relance ta console. Ben, ouais, non, mais je pourrais. Et j'en ai d'autres en plus à terminer. Ah non, il est pas sur PC, je peux pas le faire. Attends. Ah, mais non, j'ai débranché ma console. Maintenant, j'ai ma 3090. Elle me sert à caler mes livres là. Je me retrouve, quand je mets mon PSVR, je me retrouve avec plein de petits bouts de mousse dans les cheveux, ça me casse les pieds. Et puis ma femme m'engueule. Alors, bon, voilà, c'est compliqué si tu veux. Donc, c'est mal barré pour le 2. En ce moment, il fait bien chaud. Voilà, il fait bien chaud. Et donc là. Ça croûte. Mais je suis dégoûté, on parle toujours du PSVR qui se désagrège. Là, mon Rift S, il est en train de crever aussi. Hein. Il y a mousse. Voilà. Un bout de mousse là, qui commence à se barrer. Là, Ah, mais ça fait des années qu'il l'a. J'aime pas trop. Oh, ça fait un petit moment maintenant. Envoie-le au SAV Oculus, peut-être ils feront quelque chose pour toi. Rift S, connais pas. Quest 2, ah oui, bien sûr, bien sûr. Quest 2, oui. Rift S, 100€, monsieur, bien sûr. Bon. Pas de problème. Allez, c'était gratuit. Alors. Oui, voilà, une petite crotte de nez, ça fait jamais de mal et ça fait toujours plaisir d'offrir. Majo, justement, on va passer par toi. Ah. On va passer à toi. Pas trop à la fois quand même, parce que. On va passer sur toi. C'est par toi. Voilà. tu voulais nous parler de Alvo. C'est avec ça que tu voulais commencer, Alvo ? Comme tu veux. Alors Alvo, donc j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça parce que j'avais fait une petite rétrospective justement sur les on parlait des vieux jeux qui avaient tout misé sur leur multi. Et on avait fait un état des lieux et justement le premier truc que j'avais annoncé c'est qu'il y avait trois modes de jeu qui n'étaient toujours pas sortis un an après la sortie du jeu. Et en fait je suis sûr ils nous ont entendus puisque genre 4 ou 5 jours après sortait le mode zombie. Ils ont entendu l'émission, ils ont dit putain. Ils ont dit ah là là, ils nous ont repéré. Donc du coup, le mode zombie est sorti sur Alvo, donc je l'ai testé. et puis bon, on va pas refaire une émission là-dessus, hein, mais c'est sympa, voilà, c'est gentil. Alors il y a quand même un bon effet de surprise, on va dire. Il y a pas mal de jumpscares. Alors pour moi, hein, vous savez, ouais, c'est marrant ça. Niveau jeu d'horreur, oui, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Niveau jeu d'horreur, je suis pas la personne la plus expérimentée dessus, donc je me ferai pas mal pour rien. Mais il y a beaucoup de jumpscares dans le sens où, en fait, tu as des ennemis qui sont très proches de toi et quand tu te retournes, en fait, ils sont à côté de toi. Et on va dire que c'est un peu le principal reproche que je ferai à cette mise à jour, c'est que les ennemis pop. Et de n'importe où de manière aléatoire sur la carte. et puis donc je me suis fait avoir on va dire sur la fin de ma première partie où en fait il y a un moment en fait alors il y a plusieurs niveaux de zombies différents. Donc bon, sur les premières vagues ça va être des zombies classiques qui sont facilement tuables. Ensuite il va y avoir des chiens, il va y avoir des ennemis qui sont beaucoup plus gros avec des tabliers de boucher et une hache. Va y avoir donc des zombies explosifs et après j'ai pas été au-delà. ça fonctionne un peu comme Call of. Zombie explosif. Comme le mode zombie de Call of. Comme les boueurs. Où tu gagnes de l'argent. Ouais. Et avec cet argent, du coup, tu vas t'acheter d'autres armes qui sont plus performantes. Des creepers. Ou avec des doubles armes, enrichir ton équipement, acheter de l'armure, de la vie, etc. entre chaque vague. Et du coup, donc, ces ennemis pop au fur et à mesure. Donc, j'avais réussi à me trouver une petite cachette. Et en plus, tu dois aussi défendre une espèce de zone avec un pactage et, pendant un certain temps, en fait. Donc, tu as une jauge qui se remplit. Et une fois que la jauge est pleine, en fait, la vague s'arrête, même si le compte à rebours n'est pas terminé. Et en fait, j'étais dans une espèce de petite zone où j'avais que deux accès, en fait, pour les ennemis, donc du coup c'était plutôt simple et efficace pour m'en débarrasser. Et en fait, je me suis fait tuer parce que j'ai un ennemi explosif qui a popé à côté de moi, en fait. Et c'est assez flagrant. Alors je l'ai mis, pour ceux qui regardent la version vidéo du pod, j'ai fait une petite compile et je le mettrai à la toute fin de la vidéo, où en fait il y a deux ponts que je surveille, et puis par la droite c'est clean, donc je m'oriente sur celui de gauche, et en fait tout d'un coup j'explose, et en mourant, si tu veux, je vois le côté droit et j'ai un zombie explosif qui avait popé juste à côté de moi. Alors ça m'était déjà arrivé plein de fois avec des chiens, tout ça, et j'avoue que pour le coup je me sens un peu floué. C'est un peu, parce c'est que un peu frustrant, ouais. Ça aurait pu durer encore un petit moment, je m'en sortais plutôt pas mal. Après, ça reste coopératif, hein, donc le but du jeu c'est aussi de jouer à plusieurs. Là j'étais tout seul, y a pas de bot, on n'est pas accompagné de bot pour cette partie, ou alors j'ai pas réussi à le chercher. Après tu peux rejoindre ou créer la partie que tu veux, et rejoindre une partie en privé, mais pour l'instant, voilà, je n'ai fait que cette partie solo, mais ça pourrait être sympa à plusieurs. Après c'est un mode de jeu supplémentaire qui n'est pas payant, hein, qui est inclus dans le jeu, enfin qui est sans surcoût, pardon, par rapport au prix du jeu de base. C'est pas un DLC, quoi. Non. Payant. Mais bon, c'est aussi une promesse qui t'est faite quand tu achètes le jeu de base. Ou du moins quand tu l'ouvres. Mais voilà, ça rapporte un petit plus, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on verra ce que ça vaudra dans le temps. C'est pas After the Fall, c'est sûr, niveau vague, niveau intelligence artificielle ou ce que tu veux, même niveau bestiaire. Et puis, mais bon, ça fait son petit effet, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien que les développeurs se tiennent à leurs engagements et puis proposent des trucs. Même si je suis sûr que le jeu a pas non plus surcartonné sur PSVR, c'est bien au moins qu'ils fassent ce qu'ils ont promis. Ça permettra de découvrir encore un petit peu le jeu. Il continue, ça s'améliore, ça s'enrichit. Donc écoute, c'est toujours bien. Voilà. C'est toujours bien. Rappelons qu'ils ont aussi parlé d'une version PSVR 2, encore une fois, quand il sera là pour Alvo. Donc écoute, ils continuent, ils font leur petit bout de chemin. Après, c'est pas un jeu qui est ultra cher non plus, je crois qu'il est à 25€, ce qui était un peu cher pour l'époque, mais bon, voilà, ça reste un truc sympa de temps en temps pour tester. Voilà. Ok, nickel. Et t'es sorti de chez toi pour voir la lumière et pour rencontrer des gens, et puis jouer avec tes potes dans une salle, et tu vas nous en parler. Ouais, alors rien à voir avec le PSVR. Alors je suis fan inconditionnel du PSVR. J'ai pas testé beaucoup de casques autres que celui-ci dans ma vie, si ce n'est un Vive Pro et puis le premier Oculus Rift, pardon, la version avec l'énorme dalle carrée devant. Le DK1, je crois que c'était, voilà, c'est ça. Oula. Donc du coup, je suis toujours assez avare de ce genre de salle et d'expérience. Alors j'en avais fait une que j'avais trouvé pas mal, où là on était carrément avec le PC sur le dos, en fait, et on fait du room scaling, mais pour de vrai. Donc on était dans une zone de 300 ou 400 mètres carrés, on se déplaçait un peu librement. Là c'est pas tout à fait ça, donc ça s'appelle Dreamway. Donc c'est une franchise lyonnaise à la base, créée en 2018. Qui s'est réparti dans un peu toute la France. Alors je sais plus exactement combien il y a d'établissements, mais il y en a plus d'une dizaine, donc dans diverses grandes villes de France. Et donc j'ai découvert ça par le biais d'une vidéo qu'a fait Rames, où il en parlait, ou d'un tweet, je ne sais plus, enfin bref. Salut Rames. Et du coup on en parle souvent, donc merci à lui. Du coup j'en avais une proche de chez moi, et pour le coup je me suis laissé tenter, donc j'ai été là-bas. Alors ça s'appelle Dreamway, c'est une salle exclusivement dédiée aux multijoueurs, donc on ne pouvait pas jouer tout seul, donc ce ne sont que des expériences multi. Et donc je me suis essayé à une expérience que je voulais faire de longue date, c'est dans l'univers d'Assassin's Creed Origins, donc c'est The Lost Pyramid, qui est donc un escape game à faire à plusieurs, donc je crois que c'est jusqu'à 8 joueurs. Ou 4, pardon, 4 joueurs, excusez-moi. Et en fait, donc on se retrouve piégé dans une pyramide. C'est un jeu Ubisoft, et le but du jeu, donc, ça va être de récupérer un artefact secret en résolvant diverses énigmes. C'était plutôt sympa. Donc, c'est annoncé pour une quarantaine de minutes de jeu. Bon, moi étant habitué, et j'y suis allé donc avec un ami à moi, on l'a fini en 20 minutes. Donc, ça reste. Non, ouais. C'est pas. C'est, ah, de suite. C'est pas pour ça que je le dis, c'est que. J'ai fait une deuxième expérience derrière et on en reparlera aussi. Enfin, je veux venir sur un point particulier. Mais c'était quand même relativement rapide. Alors après, l'expérience est très bien. Ça n'a de l'univers d'Assassin's Creed finalement que le terme pyramide et l'ambiance sonore. Ouais. Parce qu'après, pour le reste. Bon, t'as pas d'assassinat, quoi. T'as pas la lame, t'as non, pas. Non, exactement. Est-ce que tu tombes dans un panier de paille ? Non plus. Non, il y a même pas de. Enfin, est-ce que tu grimpes au moins ? À la fin. Alors, je veux pas trop en dévoiler. Ouais. Parce que déjà que ça dure que 20 minutes. Voilà, ouais. c'est pas d'ailleurs, super long, et puis j'ai pas trop envie de gâcher l'expérience. Mais... Et c'est pour ça que sur la version vidéo, d'ailleurs, il y aura du podcast, il y aura le trailer où on voit. Quasiment rien du jeu. Non, en fait. On voit rien. Non, mais parce c'est pas quasiment rien, c'est rien. Ouais, mais vu que l'expérience est courte, on comprend que les captures puissent pas être rendues pour pas spoiler, quoi. Ça serait un peu couillon, quoi. Donc, ils ont fait, suite à ça, donc Ubisoft a fait une deuxième expérience, donc un peu mais dans c'est le beau. Juste une petite question, c'est beau ce truc, Assassin's Creed, là ? Alors. Oui. D'une certaine manière, il y a des trucs qui m'ont plu, donc notamment les effets de lumière, parce que tu en as certains à un moment où tu vois le soleil, enfin tu as des reflets de soleil et tout, j'ai trouvé plutôt pas mal. Les textures sont bonnes, la distance d'affichage, bon, tu es dans des pièces fermées, donc la seule partie où tu as une distance pièces. D'affichage, c'est quand même pas top. Après, en termes de texture, de près, ça va, c'est relativement bien. Mais ce qu'il faut savoir, donc c'est pour ça, c'est une expérience que je voulais faire depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Enfin, genre, je crois que c'est 2016 ou 2017, hein, The Lost Pyramid. C'est assez ancien, ouais. Voilà, donc ça reste les balbutiements de la VR, et c'était quand même plutôt correct. De ce que j'en ai vu aujourd'hui, de la dernière fois, pardon, plutôt correct pour aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qui se fait, mais c'est pas non plus l'éclate, quoi. Enfin, c'est pas la claque graphique, c'est pas Horizon, voilà. C'est ça que tu veux savoir, c'est pas Call of the Mountain, quoi. Rien à voir. Et donc, ils ont fait par contre une expérience qui est beaucoup plus récente, alors que j'ai pas faite et que j'espère et je pense que je ferai la prochaine fois que j'irai. Je ne me rappelle plus du nom, à l'assaut de Notre-Dame de Paris, c'est par rapport à Notre-Dame de Paris qui a brûlé, donc du coup, où dans celle-ci vous incarnez un pompier, pareil, en coopération, sous couvert d'énigmes, de leviers ou de choses à actionner, pour pouvoir donc sauver la cathédrale, et il va falloir coopérer donc entre différents secteurs pour pouvoir y arriver. Est-ce que le but du jeu, c'est de découvrir si effectivement c'était un panneau électrique sous la charpente de la cathédrale qui a disjoncté, enfin qui a fait tout cramer. Je t'avoue que je ne sais pas. Par contre, donc c'est la dernière expérience d'Ubisoft et qui a l'air, qui a quand même pas mal de succès pour les gens qui s'y sont essayés. C'est pas un peu bizarre au niveau éthique ce genre de truc, enfin, je sais alors, pas, sur un fait réel effectivement, mais ça reste de l'histoire, il n'y a pas de mort, y a pas, tu vois, ça reste quelque chose de tragique d'un point de vue culturel, mais c'est pas un événement non plus dramatique d'un point de vue humain. Donc moi je me dis que ça reste de la découverte, sauf je pense les retombées des poussières PM10 et du plomb qui est retombé. Si tu vas par là, je pense pas que ça soit plus dérangeant que de revivre le débarquement sur la plage de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Donc ou des trucs bien pires que ça en jeu vidéo. Hein, voilà, parce qu'on tout à en fait. A vu, Donc non mais là parce qu'on parlait de faits réels et en comparaison. Ouais. Enfin je effectivement on peut dire ça. Il y aura toujours des détracteurs pour dire ah mais ouais nana mais bon. Écoute ça permet de le voir. Ensuite j'ai fait une autre expérience, donc j'avais dit à Steph la dernière fois qu'il jouait à Propagation et que moi non, donc j'ai joué à Propagation et j'ai dû changer de pantalon. Voilà, donc c'est Propagation Top Squad ça s'appelle, et du coup bon, même principe, alors on est dans Washington, il y a ça reste un wave shooter, hein, faut pas se se voiler la face, pareil, c'est une vieille expérience. C'est donc dans Washington, quatre points disséminés dans la ville en fait qui représentent des espèces de bombes anti-zombies. Donc Washington est envahi par les zombies et le but du jeu c'est d'activer ces bombes et de les faire exploser de manière à tuer tous les zombies de la zone. Tout en une fois activé, il faut donc les protéger des vagues de zombies qui arrivent. Et là pareil, donc il y en a qui courent, ça pop de tous les côtés. Donc j'ai hurlé. Pas comme une fillette, mais j'ai poussé quelques cris, c'était assez sympa. Non, t'as hurlé comme un bonhomme, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc c'était assez sympa. Et donc ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à Lost Odyssey et donc à Propagation, c'est que ce genre de salle reste quand même privilégié pour les gens qui découvrent la VR. C'est pour ça que je parlais du temps, la durée de Lost Pyramid qui est annoncée pour 45 minutes. Effectivement, si vous ne connaissez pas le concept de VR, le concept de vous tourner, de bouger, de vous baisser pour attraper des choses, ou même ne serait-ce que manier une arme ou ce genre de délire-là, en fait, si vous n'avez pas ces automatismes, effectivement, ça va prendre plus de temps. Idem, les seuls moyens de déplacement que j'ai eu, du moins dans les expériences que j'ai testées, c'est de la téléportation. Il n'y a pas de déplacement. Normal. Après, faut pas oublier qu'on est. Alors, c'est une salle VR où on est dans des boxes. Il y a plusieurs boxes qui sont réparties. Et tu es debout. Donc, ça, c'est pareil. C'est aussi pour éviter. Parce que je me suis vu perdre un peu l'équilibre. Il y a un moment, il y a une phase d'escalade. Je me suis vu perdre un peu l'équilibre parce que justement, je regardais un peu trop en l'air et la tête un peu trop penchée en arrière pendant que j'escaladais. Donc, du coup, bon, moi, j'ai quand même l'habitude maintenant. Des jeux VR, donc je me dis que si moi ça arrive à me faire ce genre d'effet, ça peut pour des gens qui n'ont pas l'habitude le faire. Et pour avoir discuté donc avec France et Philippe, donc qui sont les deux personnes qui nous ont accueillis dans l'établissement où on était, ils ont énormément de novices justement qui viennent jouer et découvrir la VR à travers ce genre d'établissement. Voilà, donc du coup c'était une bonne expérience. Alors c'est du jeu, mais c'est aussi un peu une partie culturelle. Et ça c'est bien. Il y a des expériences, notamment alors la maison d'Anne Frank, donc qui est aux Pays-Bas, je crois, c'est Amsterdam, il me semble. Ouais, je crois. Oui, il me semble. Bref, j'ai aucune culture. Qui est alors c'est une exposition en gros sur les déportements des Juifs, si je dis pas de bêtises. Déportation, non, plutôt. Ouais, c'est ce que j'ai dit, non. Les déportations. Déportement. Ouais, c'est très bizarre. Déportations. Merci beaucoup. les déportations des Juifs donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup donc c'est une expérience qui est faisable chez Dreamaway. Alors l'avantage qu'il y a donc pour cette franchise finalement, c'est qu'en fait, comme il y en a plusieurs, ils négocient pas mal de jeux pour toutes les salles communes qu'ils ont en fait, ce qui fait qu'ils ont les mêmes expériences disponibles dans tous les établissements. Ça c'est bien et puis ça leur permet d'avoir des jeux peut-être un peu plus gros qu'une petite salle indépendante qui se monterait par là. Donc voilà, si vous en avez un dans votre région, alors c'est pas très très cher. Il y a différents tarifs en fonction des créneaux d'affluence et puis des expériences que vous faites. Plus l'expérience sera longue, plus le tarif sera élevé, mais ça reste pas vraiment plus cher qu'une place de ciné finalement en fonction de ce que vous faites. Donc voilà, c'était ma petite expérience de la semaine, c'était plutôt intéressant. Et puis si vous avez envie de découvrir la VR, que vous nous écoutez, que vous savez pas trop ce que c'est, que vous avez jamais pu le faire, allez-y parce que c'est un bon moyen d'enfiler un casque sur la tête et de voir à quoi ça ressemble. Et puis si vous aimez ça comme nous, c'est pareil, c'est l'occasion d'essayer d'autres trucs ou d'autres casques, puisque ils avaient, donc c'était les Vive Pro 2, c'était un Vive Pro 2 pardon, que j'avais moi sur la tête, et ils ont aussi des Oculus Quest pour des expériences qui nécessitent du sans fil. Voilà. D'accord. Pour Dreamaway. Ouais. Ok, c'est cool, parce qu'en plus, les salles d'arcade, je dis salle d'arcade, ouais, c'est pareil, d'arcade VR, hein. ça pop un petit peu partout, parce qu'il n'y a pas que cette marque-là, en fait, de salle, il y en a vraiment partout. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, j'en ai. Pourtant, c'est un petit bled. Il y a déjà deux salles, dont une qui est restée pas mal de temps, la plus grosse salle de France, il me semble. Et puis avec Lolo, quand vous étiez venu, il y avait toute l'équipe qui était venue à la maison. On avait fait un petit escape game. Et justement, il y avait une partie VR où il avait Arizona Sunshine. Ouais, 5-6 licences, je crois, à peu près, à essayer. et dont Arizona Sunshine et ouais c'était sympa, c'était convivial en fait et donc du coup c'est sympa, oui. C'est un bon moyen et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu peur de la réalité virtuelle justement et de l'effet que ça peut faire, qui se sentent pas prêts justement à mettre le casque et ils ont peur des réactions qu'ils pourraient avoir. Et justement, en général, dans ces salles-là, les gens accompagnent bien justement les novices. Oui, très. Et le fait que tu sois, que ce soit vraiment dans une ambiance conviviale et que tu y ailles avec ta famille ou tes potes ou tes collègues, et ben justement, tu peux y aller un peu plus franco et avec un peu plus de confiance en soi, donc c'est bien. Très justement, et d'ailleurs, donc, comme je disais, donc, nous c'est France qui s'occupait de nous et qui nous a expliqué, on va dire, le déroulé du jeu, après Philippe l'a rejointe, mais c'est pas des gens qui sont issus du gaming, par contre ils vivent très bien leur truc, et ils sont très investis, du coup, même dans la manière de te raconter, si tu veux, l'expérience que tu vas faire, ils vivent vraiment leur truc, quoi. Et je trouve ça sympa, parce que, comme quoi la VR c'est un peu donné à tout le monde, si tu t'y intéresses un minimum et que bah, tu découvres que ça te plaît, si tu veux, bah, ça peut faire découvrir une passion aux gens ou un nouvel intérêt. Et là, je trouve que ces deux personnes en sont un peu le parfait exemple, parce que finalement, ils jouent beaucoup à ça par le biais donc de leur salle. Ils ont découvert ça alors que c'était pas des gens qui étaient internes aux jeux vidéo à la base, quoi. Voilà. Donc du coup. Encore une fois, tout ça pour dire que la VR, ça change tout, ça donne une perception encore différente. Et si vous n'avez pas essayé, foncez, parce que putain, c'est génial. Bah déjà, si vous avez jamais essayé la VR, je vois pas pourquoi vous venez nous écouter aussi. Hein, parce que ouais, vraiment... par un souci par la curiosité. Voilà, la curiosité. Voilà, exactement. Okay. Non, par contre, c'est vrai que ceux qui sont habitués à la VR, des fois, tu sais jamais quoi faire un week-end. Tu dis à 2-3 potes qui taillent cool. La VR à longueur, viens voir, on va se faire un truc là-bas. Tu essayes de les emmener dans un jeu qui vaut le coup, hein, qui est chouette, où il n'y a pas trop de déplacements, parce que s'il y a des gens qui sont sensibles au motion sickness, un bon shooter, c'est bien, parce qu'au moins tu restes en place et tu tires sur des vagues d'ennemis, t'es pas malade. Et là, tout le monde sort, et puis après, c'est l'occasion d'aller se faire un resto et d'en discuter, quoi. Exactement. Je voudrais juste rajouter une petite chose. C'est mon côté fanboy qui va parler. Le Vive Pro 2, c'est pas possible. Au niveau du confort. Ah non, mais c'est... Il est lourd. Mais il est lourd, et puis, comme je dis, c'est cette impression. Alors, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit, eux, que bah, justement, ils s'étaient habitués à ce confort-là et que maintenant, ils préféraient, en fait, par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Mais, enfin, moi, ils ont tous des nez tordus. J'ai du mal avec cette pression permanente, en fait, que tu as sur le visage. T'as un problème avec les nez tordus, toi? Bah, j'en ai un, donc je me permets. Fais gaffe, si tu veux pas que ce soit plus c'est tordu, méfie-toi. Est-ce que tu veux, je te raconte mon anecdote avec mon pif, avec le nasal tordu, là, et justement que je peux pas mettre des HTC Vive parce que sinon j'arrive plus à respirer. Ah, c'est ennuyeux. Mais non, je vais pas le redire parce que vous allez encore vous foutre de ma gueule. Donc, c'est ennuyeux, je vois pas de quoi tu parles. Vous respirez, monsieur. Non, mais pour le coup, c'est vrai. C'est et pareil, j'ai découvert l'espèce de reflet que tu as dans les lentilles de Fresnel quand il y a trop de lumière. Et c'est vrai que c'est particulièrement désagréable, ça aussi. Chose que nous n'avons pas aujourd'hui sur le PSVR. Et pour le coup, la conclusion que j'en fais, c'est que avec des nouveaux contrôleurs, ce casque, il aurait une deuxième vie sur PS5 sans PSVR2. Et ça aurait été tout à fait jouable, parce qu'il est encore très qualitatif malgré ce que tu peux avoir sur le haut du panier. Alors c'est sûr qu'en termes de définition, je crois qu'on est sur une dalle 5K de résolution, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quand tu veux lire un truc de près, enfin tu le prends, c'est vrai que c'est beaucoup plus fin, le lettrage, enfin ça n'a rien à voir. Mais par contre, pour le confort, même les lentilles, le champ de vision, tout ça, enfin je reste, et la dalle OLED du PSVR qui est LCD sur le reste. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis un fanboy du PSVR, je l'assume pour le coup, parce que je trouve qu'il a encore énormément de qualité. En connaissance de cause, c'est-à-dire t'as essayé d'autres trucs et tu te rends compte que le PSVR, il tient bien la route. En termes de confort, il est imbattable. Le confort, il est imbattable. Et si, bien sûr. Vous voulez dire que c'est pas un casse-couné? C'est pas un casse-couné, mais il a quand même de gros défauts. Et par contre, la plus grosse différence, c'est le tracking. Et pourtant, j'étais en téléportation, mais c'est vrai que c'est incroyable. Le fait de juste sur propagation juste pour aller en arrière, enfin me mettre le contrôleur sur l'épaule, appuyer en fait, et pas avoir de décrochage parce que en fait j'ai ma tête qui est devant la boule, ce qui fait que le truc il capte plus, donc je me retrouve avec ma main devant les yeux, enfin tu vois, on a tous vécu ça. Rien que ça en fait ça donne encore plus de fluidité et comment dirais-je de réactivité en fait dans tes mouvements et dans le naturel des choses que tu peux faire en VR quoi. Voilà. Donc très bonne expérience, le matériel bon ben ça reste subjectif hein, en fonction de ce que vous avez essayé, de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Moi pour ma part j'étais un peu déçu. Mais par contre, personnel très gentil et très accueillant, et les expériences à faire sont cool à plusieurs. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et puis surtout, voilà, il y en a plein en France, donc je suis sûr qu'il y en a un à côté de chez vous. Ok. Et ça s'appelle Dreamaway. Dreamaway, voilà. Eh ben, testez-en, c'est très bon. Du coup, bah, je vais prendre la main, si vous le permettez. J'ai essayé deux démos, il y a deux démos qui sont sorties assez notables dernièrement sur PC, donc sur Steam. Je vais garder le meilleur pour la fin, donc du coup je vais commencer par Samurai Slaughterhouse. Bien. Qui est, t'as vu qui est donc qui est un jeu qui est développé par une seule personne et c'est évidemment, si j'avais été intelligent j'aurais préparé mon truc avant. Voilà, le studio, enfin le gars qui fait ça, c'est Tab Games. Je crois que c'est son premier jeu. Je crois que c'est du financement participatif. C'est un nom Tad, nom de famille Games. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas facile, c'était pas facile au collège pour lui. Et du coup, c'est un jeu charmant, sincèrement charmant. C'est un jeu de samouraï, donc en FPS, avec une. Avec un moteur physique justement qui est bien poussé pour les combats, principalement noir et blanc avec quelques traînées de temps en temps rouge sang quand ça défouraille bien. Et j'avais un petit peu peur justement en regardant les vidéos, et ça je vous en avais parlé, c'est les écrans blancs sous le casque, je supporte pas. Tu sais, quand il y a des écrans de chargement qui sont blancs, moi je ferme les yeux parce que ça m'éclate les yeux sinon. Et en fait j'avais un petit peu peur de ça dans tout le jeu. Et en fait non, pas du tout. Il n'y a pas du tout ce problème là parce que du coup l'ensemble est suffisamment bien la colorimétrie est suffisamment bien réglée en fait pour que ça passe pas mal. Il y a de l'idée, pour le moment c'est une démo qui est sortie beaucoup trop tôt je pense. La démo est extrêmement courte et surtout la démo, si vous le lancez par Steam, bah ne fonctionne pas. C'est à dire que Steam ne trouve même pas l'exe. Donc on est obligé d'aller dans le dossier pour pouvoir lancer la démo. Et une démo qui est complètement pétée quoi. Voilà, au niveau de l'esthétique c'est super sympa. T'as des espèces d'estampes japonaises en guise de décor, c'est vraiment charmant, vraiment. Pour le moment la maniabilité est complètement pétée, ça fonctionne absolument pas. Les armes quand tu les récupères, quand tu récupères un katana, t'as une chance sur deux pour qu'il y ait un glitch. Qui fasse valdinguer le katana de l'autre côté de la pièce. Et puis après, une fois qu'il est tombé par terre, va savoir pourquoi, tu peux plus le ramasser. C'est comme s'il faisait partie du décor. T'as les lancers, je trouve qu'ils fonctionnent pas très très bien. T'as déplacement libre ou alors téléportation pour faire des passages en plateforme. Tes bras partent dans tous les sens. En gros, là, il aurait pas dû sortir sa démo tout de suite parce que là, ça donne vraiment pas envie malheureusement. Et alors qu'il y a de l'idée, les combats pour le moment fonctionnent pas. Donc tu balances, c'est pas du tout Swordsman. Hein. Donc tu balances des coups d'épée ou des coups de ton arme au hasard en espérant qu'il y ait une tête qui saute. Mais ça marche pas. Donc pour le moment, voilà, j'étais un petit peu déçu par ce jeu pour le moment. Il y a du potentiel. Mais quand tu regardes un petit peu sur la page de son financement participatif, tu vois qu'il est loin encore d'obtenir le budget qu'il a demandé. Le budget qu'il a demandé, voilà. Quand tu sais que le jeu, je crois qu'il en avait, enfin, ils en avaient parlé que ça devait sortir sur PSVR 2. Oui. Ouais. Le jeu va être en accès anticipé. Il y a beaucoup, enfin Steam est constellé de jeux en accès anticipé qui sont toujours en accès anticipé depuis 2016 et qui sont continuent à être vendus plein pot alors que voilà, c'est toujours de l'accès anticipé et que les développements ont été terminés. Y en a qui en vivent, hein. Star Citizen. Oui, ouais, alors ça c'est le pire, voilà, c'est le pire exemple. Moi, je lui souhaite vraiment de sortir son jeu, de pouvoir le finaliser, peut-être demander, enfin essayer de monter peut-être une équipe pour pouvoir terminer son jeu quoi efficacement, parce que pour le moment, on sait le développement en VR, c'est vraiment la grosse découverte. Comme on sait ce genre d'entreprise là tout seul, c'est compliqué. Il y a de l'idée, il y a du talent hein, derrière, mais ça ne marche pas. Pour le moment, ça marche vraiment pas. C'est trop. Même la partie, parce que bon, tu parles de la partie technique, même la partie. Narration, RPG, oh, parce que bon, il y avait dans les trailers, du moins, il y avait cette notion de pouvoir choisir, il y avait un inventaire à gérer, il me semble, de mémoire. Et t'avais des dialogues, ouais, tu allais voir des personnages, il y avait des dialogues qui s'enclenchaient. T'as effectivement un sac à dos, à la Zelda, ouais. Un sac à dos pour ton inventaire, tu peux discuter avec deux personnages, je crois, t'as un compagnon qui peut t'accompagner. Que tu peux trouver au tout début. T'en as un autre qui te file des missions, va chercher les scrolls. C'est quoi, ça veut dire quoi déjà scrolls en français? C'est les parchemins à trouver dans la pièce. Voilà, c'est vraiment un tutoriel en fait. Après, t'as deux pélos que tu dois défoncer. T'as pas du tout la composante RPG qui est représentée dans cette démo pour le moment. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as trouvé les petites waifu nippones dans les sources thermales? Non, absolument pas. J'en parle parce que le développeur a mis ça en avant. Non, c'est pas dans la vidéo. C'est plutôt marrant parce qu'il a dit... Le Rocco est très pointilleux là. Ah, je discute en plus avec ce gars sur Twitter et tout. Il répond, il est très actif sur Twitter. Ah, il est à fond. Il disait, il est à fond. Mais en plus, ce qui est bizarre, c'est que tout ce que tu dis... tout ce qui ne marche pas en fait, donc les démembrements, les trucs comme ça, ça fonctionne apparemment chez lui. Donc, mais pas sur la démo. Je te dis, c'est vraiment la démo qui est foireuse. Ah, mais ouais, c'est franchement dommage parce que c'est plus ça fait un bad buzz quoi plutôt que ouais. C'est plus négatif que positif en tout cas pour vendre son jeu. Toi, oui, vas-y, excuse-moi, je te laisse terminer. Mais ouais, il disait que il avait ce qui m'avait fait rire, c'est que il faisait des tours sur VR Chat et il a noté en VR Chat, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire un petit peu un univers des salles de forum. C'est un monde parallèle. On peut choisir. C'est un monde parallèle, où il y a c'est absolument Twitter, mais en VR, tout. En fait. Exactement. C'est un petit peu toute la maladie de Twitter qui est incarnée dans des différents avatars. C'est tous plus flippants les uns que les autres. Ah oui, il y en a des glauques, il y en a des flippants, et après il y en a c'est les fantasmes. Alors on parlait de Dimitrescu, mais là c'est juste la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que là c'est toujours plus gros, c'est bon quoi. Donc, et lui il disait qu'il avait noté tout ce que aimaient les gens, et puis il avait donc ajouté dans son jeu des petites waifu qui prennent des bains tranquilles. Mais pour en donner pour tout le monde, il mettait aussi 2-3 sumo qui chill tranquillement. Et on peut se balader dans les sources thermales. Donc je sais pas si dans la démo, non, il n'y a pas ce passage. Il n'y a pas cet environnement. Il n'y a pas ce passage. Il y a vraiment 3 environnements que tu traverses. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait elle a été balancée par erreur cette démo. C'est la première fois en fait que je tombe sur une démo sur Steam qui veut pas se lancer par Steam. T'es obligé d'aller dans le dossier du jeu pour pouvoir la lancer quoi. C'est très bizarre. Mais ouais, j'avoue. Bah après avec les anciens, on sait comment me faire, hein. On s'est trouvé l'exercice. Ouais, j'avoue, mais enfin surtout pour un truc qui passe par Steam. Ah, c'est vrai que ça le fait. Steam, par définition, c'est un launcher, hein, ça s'appelle. Donc. Ouais, ça sert à lancer ses jeux. Donc, si tu dois en plus aller bidouiller dans tes dossiers. Donc là, non. Mais il est pas plutôt Quest 2 en autonome, ce jeu. Graphiquement, tu veux dire? Il me semble. Non, pas graphiquement. Genre, est-ce que. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, parce que vu que j'ai que le PSVR en casque. Mais sur les plateformes, bon, Steam, on sait comment ça fonctionne. Mais est-ce que le store Oculus, qui est. Enfin, le store Quest. Qui est vraiment un store appartenant à Quest, où tu as des jeux Quest qui se lancent que là-dessus, est-ce que lui ne l'a pas vraiment, comme la plupart des développeurs, il n'a pas tout misé sur cette version-là, donc tu crois le launcher, est-ce qu'il doit bien se lancer sur Quest, enfin sur Meta, sur le store de Meta, plutôt que sur Steam? Ah, je sais rien. Est-ce que Steam, c'est vraiment pas que de l'alimentaire au final, quoi? J'en sais rien, mais du moment que de toute façon tu vois télécharger la démo... Bah, c'est que de toute façon, ton fichier doit fonctionner pour la plateforme sur laquelle tu le lances. Bah, ça c'est vrai. Mais je crois qu'en fait, il est pas prêt. Il est pas prêt. Non. Je sais pas. Il est pas prêt du tout en fait. Il est pas prêt. Et on sent vraiment la générosité, voilà, du jeu et du développeur de ce qu'il veut mettre dedans. Ça a l'air cool quand ça sera abouti. Mais là, ouais, c'est tellement loin d'être abouti. L'univers a l'air sympa. L'ambiance a l'air sympa. Effectivement, il y a un truc tout con. Après, je pense qu'à la fin, ça va être un gros what the fuck. Hein. Je crois qu'au niveau de l'IA, ça va être un gros bordel. Mais ça peut être marrant. Mais que ça va être un bordel marrant. Ça peut être marrant quand même. Voilà. Mais tu vois, un truc tout bête, mais tu vois, t'as des tiroirs, par exemple, que tu dois tirer pour trouver des objets. Rien que les pousser et les remettre dans leur position fermée, c'est une tannée. Le truc revient. Le truc revient systématiquement. Alors, t'es là comme ça, t'essaies d'ouvrir le tiroir du bas et puis t'as celui du haut qui commence à revenir. Du coup, t'arrives pas à voir ce qu'il y a dans ton tiroir du bas, alors tu essaies de le pousser. Après, t'as les meubles, t'as des espèces de petits carrés, comme un vaisselier en bas. T'appuies dessus, ça te défonce la porte, en fait, ça pousse la porte, c'est comme si tu l'as. Il y avait plus de gonds, enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font que c'est pas. Les éléments de décor sont possédés. La physique est compliquée. Quand tu les touches, t'as l'impression que tout est possédé dans ce jeu-là. Je veux dire, le katana, tu le sors de son fourreau, il va partir en sucette. en mode, voilà, tu sais, pâle de. D'hélicoptère. D'hélicoptère, tu sais. C'est très bizarre. Il va se planter dans un mur. Il m'est arrivé des trucs. T'as les bras qui vont. T'as peut-être débloqué une technique spéciale. T'as les bras qui commencent à trembler dans tous les sens, à partir en sucette. Enfin, voilà, il aurait pas dû sortir cette démo tout de suite. Vraiment pas. En tout cas, s'il veut présenter son jeu, faut absolument qu'il bosse cette démo parce que là c'est pas possible quoi. Là c'est une blague. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire en VR, voilà, en termes de contrôle, c'est dedans quoi. Donc voilà. Bon, affaire à suivre en tout cas. Mais j'ai encore de l'espoir pour ce jeu-là. J'ai encore de l'espoir. J'ai encore envie d'y croire, mais on verra ce que ça donne. Date de parution 2022, lol. Hein. Clairement. Mais si, c'est la démo. De la démo, voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Voilà. Du coup, ouais, t'avais un autre jeu. Et j'avais un autre jeu, effectivement, que je suis en train de m'ouvrir. Un jeu qui est quand même pas mal attendu sur PC, par la communauté PC. Et c'est un jeu qui fout une sacrée baffe graphique. C'est vraiment un jeu next-gen en termes de graphisme. C'est Kayak VR. Un jeu de kayak, hein, ça fait pas rêver. Hein. Sauf que là, ça dépend. Là vraiment, je me suis pris une petite claque. J'ai tout mis à fond les ballons, résolution dynamique à fond aussi, et c'est d'une netteté. Le diable se cache dans les détails, tu vois. Mais là, c'est tous les petits détails qu'il y a au niveau de la flotte, au niveau de la transparence justement dans l'eau. Il y a de la vie dans l'eau. Il y a des plantes, il y a des poissons avec lesquels tu peux interagir avec tes pagaies. Tu peux assommer et bouffer du coup. Tu peux. Non, c'est pas Green LVR. Hein, t'as pas besoin de bouffer. Merde. mais voilà. Le côté Song in the Smoke de Majo. La roche, les décors, les lumières, la netteté, la profondeur de champ. Je crois que j'ai rarement vu ça en VR en fait. Hein. Vraiment. Alors après, c'est vrai que c'est des couloirs, des canyons. En tout cas, la démo, c'est uniquement un canyon que tu peux. Alors, est-ce que. Parce que, en termes. Peut-être pas en termes de végétation, mais du moins en termes d'environnement, ça me fait un peu penser à Hubris. Que tu avais pu tester. Qui était aussi plutôt joli, mais qui a l'air beaucoup plus fixe, moins mobile, moins vivant. Du coup, si tu veux le comparer à celui-là, parce que pour moi, ça reste très similaire en termes visuels. En termes de roche. Exactement. Est-ce que c'est mieux qu'Hubris, qui reste une démo d'ailleurs, hein, c'est pas un jeu fini. Je sais pas où est Kayak VR, si c'est un jeu terminé ou si ça reste une démo également. Oh, mais... il est terminé, il sort le 12 juillet 2022 là. D'accord. Ouais, Kayak VR. Donc là, il est beaucoup plus avancé et beaucoup plus fini que Hubris, hein, qu'on sait toujours pas, je crois, quand est-ce qu'il va sortir. Bah, pour le côté réaliste. Vraiment, en fait, je pense que Kayak VR est plus joli. J'ai l'impression. La physique de l'eau, elle est ouf. La physique de l'eau est vraiment ouf. T'as deux modes sur cette démo. C'est-à-dire, t'as le mode balade, en gros, où tu vas te balader dans le canyon. Et puis t'es aussi, t'as le mode course, qui rajoute un petit courant quand tu le lances. Là, l'eau est développée sur quoi ? Je crois que ça, je vais pas te dire de bêtises. Il me semble que c'est Unreal. Il me semble que c'est Unreal. À vérifier. Enfin, je revérifie. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et oui, donc l'eau est assez plate là dans la démo, mais tu vois en fait sur les vidéos que des fois t'as des passages en pleine mer, t'as des passages sur la glace, t'as des environnements très très variés. À chaque fois que tu vas lancer une partie, t'auras toujours des petits éléments du décor, surtout des animaux qui vont changer de place. La première fois que je l'ai lancé, je suis tombé sur un serpent qui était un énorme serpent qui était sur un rocher à côté de la flotte. Sur ma deuxième partie, je l'ai pas retrouvé le truc. T'as des oiseaux de partout, t'as des poissons, t'as des branches qui flottent, tu peux interagir avec, t'as un moteur physique sur absolument tout. Tu vois loin, franchement c'est incroyable. Quand tu vois ce genre de truc, tu te rends compte quand même que les graphismes réalistes, on va dire, ça apporte vachement dans l'immersion, quoi. Et ça marche très très bien. Les sensations après au niveau du kayak, bah, après moi je suis pas un grand kayakiste, hein. Moi je suis niveau ouais, les gorges de l'Ardèche. Ceinture quoi. Bleue quoi. Voilà, je suis niveau gorge de l'Ardèche, voilà. Je me suis pas noyé quoi, mais c'était pas passé loin. Et franchement, au niveau des sensations, tu te sens vraiment dedans. Hein. Le kayak réagit bien, donc c'est plutôt cool quoi. Déjà qu'on a l'air intelligent quand on joue à un jeu VR vu de l'extérieur, faire du kayak, ça doit tu être. Tu dois avoir très très cool. Et ranger les gosses, pareil. Et aussi un truc tout bête, genre par exemple tu te plantes sur une berge, tu vois, ça arrive, tu te plantes sur la berge et puis ton kayak est coincé. Et ben en fait avec ta pagaie tu peux pousser le rocher à côté pour te remettre à l'eau. Jusque là ils ont poussé le vis. Ouais, il y a des petits trucs comme ça. Est-ce que tu peux te retourner? J'ai pas réussi encore à me retourner. Et probablement. Je vois pas pourquoi est-ce que tu pourrais pas le faire. Ça serait marrant d'ailleurs. Il y a un système de ballon, c'est genre si pas tu tangues un peu, je sais pas. Je l'ai pas trop senti. Je l'ai pas trop senti. Mais voilà, franchement, enfin, moi je veux tous les jeux comme ça, hein. Tous les jeux avec des graphismes pareils, c'est incroyable. Après voilà, j'ai essayé une course. J'ai été vexé parce que voilà, je me suis fait défoncer par tous les gens. Les courses c'est en multi, hein, donc c'est tous les gens qui ont essayé la démo qui jouent en même temps. Mais ça reste sympa, c'est vraiment cool. C'est pas le genre de jeu je pense que moi personnellement j'achèterais, parce que en plus j'ai testé pendant la dernière canicule là, et je me suis franchement demandé ce que je foutais là. Pourtant, si j'étais suffisamment... dans l'eau. Ouais, non, j'ai pas joué dans ma baignoire. Hein. Ah merde. J'ai pas de quest 2 si tu veux. Ah, et je me suis demandé ouais, si j'aimais suffisamment vers 4 player pour m'infliger ce genre de truc, mais franchement c'est non vraiment très très très très sympa. Du coup t'es en train de dire en fait que tu aimes les jeux de kayak contemplatif dans des canyons sur un rail. Ah, ça sent le piège, je sais pas pourquoi ça sent ouais. La patate ta question. Non, je le trouve très beau. Dans le doute, je sais pas parce que dans Horizon apparemment oui. Ça posait problème à l'époque, donc c'est pour ça que je pose la question. Je le trouve très beau, ouais, mais Horizon, est-ce que tu diriges le kayak? Ah mais je sais pas, on n'a pas joué encore, mais... Hein? J'ai pas l'impression. Ouais, ça peut faire la différence, c'est vrai. Mais ouais, avec tous ces environnements, puis a priori, il y a donc aussi... différence entre quand tu joues le jour et la nuit sur les maps qui change complètement l'ambiance, les reflets, la vie quoi. Est-ce qu'ils ont poussé le vice sur le matériel? Genre t'as des pagaies différentes, plus longues, plus courtes, une dans chaque main Pour le moment t'as juste le choix esthétique en fait de ton kayak et de tes pagaies et de ton petit chapeau en multi que tu peux changer, mais je sais pas s'il y a cette composante vraiment. Ouais, parce que comme tu vois que là c'est du kayak de rivière en général, mais t'as aussi des passages en mer. Un kayak de mer et un kayak de rivière, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas s'il y aura cette composante là pour le moment, j'en sais pas plus. Si je me laisse tenter par le jeu, je pourrais faire un test un peu plus complet, mais en tout cas, pour le moment, je voulais vraiment vous parler de la tarte graphique que je me suis pris sur ce truc là. Et dernière question, t'as tes mains? Non. Enfin, tes mains, je veux dire, les bras, le corps, tout ça. Tu vois pas tes mains, tu vois pas tes bras, tu vois uniquement les pagaies. Ah, c'est un jeu de merde. Ah, très bien. Écoute, c'est ça. Bah, tu pourras poster ça sur Twitter. Non, mais c'est un troll. Si non, mais c'est encore une fois pour dire que putain, franchement, quand tu vois la réal de ce jeu, il a l'air juste magnifique et Et il n'y a pas de main, quoi. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de corps, tu vois. Donc on n'a pas forcément besoin de ça pour. Et j'ai oublié. De toute façon, dans des jeux rapides, t'as pas besoin de voir tes mains. C'est sur les jeux longs. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est l'ambiance sonore aussi qui est super. Les musiques qui sont zen quand il faut, quand t'es justement en mode contemplatif ou petite balade et un peu plus péchu pour les courses. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que. Ce studio, donc Better Than Life, ils ont fait un autre jeu qui est un jeu de. Comment on peut dire, un jeu de méditation. Bah, il s'appelle Méditation VR de toute façon, où tu étais sur une plage en train c'est de. C'est un jeu de quoi ça? C'est un jeu de. Je crois c'est un shoot de zombies. Un jeu de foot, ouais. Ouais. Et en fait, tu étais sur une plage, tu avais une nénette qui était en train de te parler, du coup, je l'ai essayé aussi. J'avoue, t'es sur ton transat, la méditation VR. T'es sur ton transat, tu regardes la ligne d'horizon. Et tu regardes. C'est génial. T'as une élève qui te parle, qui te dit de te calmer, de regarder à droite, à gauche. Concentre-toi sur le bruit que t'entends dans le fourré à côté. Alors pendant que tu chilles, il y a une nénette qui te gueule dessus. Ouais, tu devrais te calmer. Elle te gueule pas dessus, elle te parle, elle te chuchote dans l'oreille. C'est quoi cet amalgame, elle reco. Voilà, je confonds avec la maison, ah, putain. Elle te susurre. Et voilà, et donc c'est un jeu qui était proposé en free to play. Il y avait un. Il est sorti il y a un moment déjà. Je crois que c'était 2020, il y a deux ans. Il y a un coming soon pour une deuxième map dessus. Et ça a jamais été fait pour le moment. Donc à mon avis, ça sera jamais fait. La deuxième transat. Donc j'espère que. Ouais, mode multijoueur, ouais, ça peut être pas mal. Et donc c'est pour ça, j'espère que Kayak VR, bah, ils vont bien le finir, ils vont aller au bout du truc, ça peut être cool. Et en parlant de musique, j'ai oublié de parler de Samurai Slaughterhouse. La musique est absolument dégueulasse et dissonante au possible. J'ai jamais entendu un truc aussi horrible que ça. C'est peut-être pour ça que ça m'a mis de travers. Bon, en même temps, le mec qui est tout seul, quoi. Ouais, non, mais je veux bien. En fait, alors, je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est un côté, tu sais, hip-hop un peu années 2000, 90, mais hip-hop instru. Tu sais, une ambiance un petit peu à la Samurai Champloo, je sais pas si tu te souviens, toi. Il y avait des instruments traditionnels japonais avec un beat très hip-hop, quoi. Il y a un peu de ça. Ça peut être bien comme ça peut être très dégueulasse, en effet. Bah, il y a des fois une petite dissonance. Genre, tu sais, tu passes deux mix différents dans ce style-là avec un vinyle. Bon, il y a forcément les tonas qui sont pas tout à fait justes, mais là, c'est juste cacophonique. Immonde. C'est cacophonique, c'est pas juste un tout petit souci de pitch. Non, c'est carrément qu'il y a deux notes qui ont rien à foutre l'une avec l'autre, quoi. Et horrible, franchement. La patte de l'auteur, quoi. C'est... J'ai jamais entendu un truc aussi horrible de ma vie. Hein. Enfin, à part mon réveil le matin, franchement, je vois pas le truc qui fait. C'est aussi agressif que ça, aussi énervant que ça, tu vois. Je comprends pas. À côté de ça, donc, Kayak VR, ben, c'est très, très, très, très cool. Pour chill. Il y a de la physique et tout aussi dans les arbres, le feuillage et tout ça, quoi. Oui, dans tout. Ah, même hors de l'eau, je veux dire, pas parce que on avait vu effectivement que même dans les algues, tu mets des coups de pagaie, les algues réagissent différemment. C'est même pas juste, elle se plie en fait sous le poids de ton truc, c'est que vraiment elle va avoir une direction différente en fonction de comment tu la prends avec la pagaie. Mais je pensais pas qu'ils avaient poussé le vis. La pluie et tout, les gouttes sur l'eau et tout. La pluie aussi en pleine mer. Et je pensais pas qu'ils avaient poussé le vis jusqu'à l'environnement extérieur au canyon ou à l'eau dans laquelle tu te trouves. Quoi. Ah, non, regret. J'ai qu'un seul regret, c'est quand j'ai croisé le serpent de pas avoir essayé de lui foutre un coup de pagaie sur la gueule pour voir s'il réagissait. Juste pour voir justement si vraiment il avait de l'interaction. Nous, on n'aurait pas oublié. Ouais, bah vous êtes des sadiques. Moi, j'aime bien les animaux, donc c'est pour ça. Ah, mais dès qu'il y a un truc de vivant, on veut le tuer. Il faut tester, il faut le toucher, voir la physique et tout, c'est important. Ouais, c'est ça, c'est vrai. La survie, Song in the Smoke. Pourtant, ouais, tu vois, je vais reparler du Brice. Pourtant, tu l'avais fait dedans avec l'espèce de blob gélatineux là, qui ressemblait un peu, qui était avec une physique, un visuel un peu douteux. Ça t'avait intrigué, ça. On aurait dit un paf. Effectivement. Non, mais c'était dégueulasse. Ouais, mais en fait, parce que t'es obligé de tuer des méduses dans Ubris. Tellement dégueulasse qu'il a pas osé aller plus loin. Non, j'enregistre, quoi. On va s'arrêter là. Non, voilà, bah franchement, mais le seul truc qui me gêne, moi, dans Kayak VR, c'est que c'est un jeu de sport, quoi. Pfff. Oh, de sport de suite. Si tu joues en multi, oui, mais après, si tu chilles dans ton canyon tranquillou. Ouais. Bah, faut voir si c'est pas. C'est parce cher. Que t'as fait 2-3 parties multi, quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que les mecs, tu le vois, toi, dans la bande annonce. Très physique. Il est à fond. Hein. Bah, tu étais à fond, ouais. Putain. Ah. Et les mecs, ils Après, pour en avoir fait, ça sert à rien de pagayer comme un taré. Hein. Le mieux, c'est de faire des gestes amples, d'aller chercher le plus loin possible et de faire des gestes amples. Exactement. Exactement. Bon, on verra. Fera une formation technique quand il sortira sur PSVR 2. Ouais. Moi, j'ai fait des bons. Franchement, j'espère. Très honnêtement. Peut-être. Bah, si ça a cette qualité-là, ouais. Et typiquement, tu vois, justement, j'y pensais en jouant, les retours haptiques des DualSense, là, ça tuerait. Parce que juste le fait de mettre ta pagaie comme casque. Ça sur la flotte. Quand tu prends un caillou. Et du casque, mais surtout des DualSense. Quand tu mets le fait de mettre ta pagaie dans la flotte, sentir, tu sais, juste le. Dans ta main, c'est le petit poc. Et puis peut-être quand tu mets des grands coups de pagaie, peut-être essayer de simuler une espèce de résistance à l'eau, parce que ça manque malheureusement. Justement, tu peux faire des mouvements, c'est très très rapide comme ça, et puis aller quand même assez vite. Mais je pense que justement les retours haptiques, ça pourrait apporter un petit truc en plus dessus. Est-ce que tu peux mettre un coup de pagaie à celui qui fait la course Non. Ouais, ton adversaire, tu peux pas. Oh, non, tu peux pas parce que c'est vraiment en mode Trackmania, c'est-à-dire que les adversaires, tu les vois. Mais physiquement, ils sont pas là. Tu leur passes à travers. T'imagines, tu leur mets avec un coup de pagaie de l'eau sur la gueule et tout, ça fait un effet flouté. Comme en vrai, tout, quoi. Ça pourrait aller loin, comme en quoi. Vrai, quoi. Tu mets un petit coup de pagaie derrière la nuque, là, tac, comme ça, sec. Voilà, hop. Et ils tombent sur le côté. Qui ne s'est jamais amusé à pousser le cul du kayak de son copain à côté pour lui faire demi-tour, tu vois. Mais bien sûr que si. C'est tout con. Bien sûr que si. Les vrais savent. Voilà. Bah oui. dans un petit rapide comme ça avec un rocher au milieu, tiens un cadeau. et puis il y a pas grand chose à faire. Non, ça va tout seul. Est-ce que le jeu est livré avec un conteneur en plastique pour mettre tes affaires et ça serait bien pour jouer dans ta piscine. Ton appareil photo, ton ouais, ça serait bien. Ton portable. Le collector, dans la version collector. T'imagines? Non, après c'est vrai qu'il va falloir le manche à balai pour accrocher un sense de chaque côté. Il y en a déjà qui rigolent. Bien sûr que. Mais il y a même une boîte. On avait voulu faire un truc. Mais c'est plus sur PC. C'est ProTube. ProTube. Ouais. ProTube. ça, c'est le genre de truc, par contre, sur PSVR 2 qui peut être intéressant. Quoi. Ah, pour ce genre de jeu, c'est typiquement fait pour. Hein, parce que c'est vrai que ça rapportera toujours plus d'immersion que d'avoir tes deux moves comme ça de chaque côté. Hein. Non, voilà, ça servira, juste chiant pour appuyer sur les boutons. Te battre, pour te battre comme un site Dark Mall ou pour faire du kayak. C'est ça, exactement. Donc, non, voilà. Moi, je me laisserai certainement tenter par ce petit bonbon de VR. Voilà. Et ben, moi, j'ai fait le tour du coup de ce que je voulais dire. Je suis plutôt content parce que ça s'est bien passé. On a passé une bonne saison ensemble, en tout cas. C'était bien, je pense que vu l'activité et vu l'actualité qu'il y a eu cette année 2021-2022 là, bah on s'est bien démerdé, je trouve. Je suis content de nous. Avec le peu d'infos. Et puis d'ailleurs, je précise quand même que je lis pas mal de machins, même sur du plat, hein, c'est pas folichon non plus. Il y en a un paquet qui se plaignent qu'ils ont rien à dire. Hein. Donc on s'en sort bien, quoi. Ah ouais, ça va. Donc, ça permet de passer plus de temps sur les jeux qu'on a déjà, on l'a déjà dit, mais ouais. Ça permet aussi de profiter plus longtemps des jeux qu'on a. Ouais, bah tu vois, ouais, moi je me refais les petits, je vous l'ai dit l'autre jour, là, les petits Little Nightmare, je m'éclate comme un petit fou avec ça. Little Nightmare. Nightmare. Comme le Breakmare. Ouais. C'est ça, hein? Little Nightmare. Comment tu dis Nightmare? Nightmare. Nightmare. Nightmare. Ouais. Bon, on va pas faire de cours dans. Comment tu dis Resident Evil? Comment tu le dis? Village. Bah, Resident Evil. C'est pas comme village. Ça qu'on dit. Mais est-ce que tu dis Resident Evil 4 ou est-ce que tu dis Resident Evil 4? Resident Evil 4. Resident Evil 4. 4. Remake. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Oui, Laurent, forcément, tu as forcément quelque chose à rajouter. Oui, je voulais juste rappeler qu'on a fait un petit article concernant... en fait, on a été un petit peu... pour parler de rivière, pour faire le lien avec ton jeu de kayak, la rivière, le courant de rivière actuellement va dans le sens d'une sortie du PlayStation VR 2 en 2023. Et nous, on a fait le petit caillou qui est au milieu de la rivière, qui essaye de résister au courant. Le barrage. voilà. Juste pour préciser, qu'il y a eu pas mal de... Alors c'est récent, hein, c'est pour ça que c'est peut-être encore bon d'en parler. C'était le 21 juin. Tom Anderson, qui est quand même relativement connu pour en général dans le jeu vidéo, il dit pas Paul mal de Thomas trucs. Paul Thomas Anderson C'est pas un réalisateur, ça? C'est Paul W.S. Anderson. Pas lui en tout cas. Donc lui, il a tweeté « Je vais voir si je peux obtenir une mise à jour plus récente cette semaine, mais la dernière fois que j'ai entendu parler du PSVR 2, c'était prévu pour le premier trimestre 2023. » Donc de là, un petit peu comme l'histoire du PSVR 2 sur un siège en cuir, quand il y a quelqu'un qui parle du PSVR 2, ça s'enflamme, même quand il n'y a rien à dire. Et là, ça s'est enflammé. Surtout que ces propos ont été soutenu, on va dire, un petit peu par Ming-Chin Kuo, on vous en parle souvent, de Ming-Chin Kuo, donc cet analyste qui s'occupe, lui, du marché asiatique, donc directement en contact avec les producteurs dans les entreprises chinoises. Et lui, alors c'est ça qui m'a fait sauter un petit peu au plafond, c'est qu'en fait, il a fait une déclaration, et les gens n'ont pris que la première phrase de sa déclaration pour en déduire que le PSVR 2 arriverait en 2023. Mais je veux juste préciser ça, c'est que donc la déclaration, c'était à la fin du billet du PS Blog. Le développeur du jeu Sense and Sinner 2 a révélé que la version PSVR 2 sortira en 2023, ce qui est similaire à ma précédente prédiction concernant la date de lancement possible du PSVR 2, à savoir, il avait annoncé le PSVR 2 pour la fin 2022, et puis petit à petit, vu que ça commençait à taquiner un petit peu du Covid en Chine et qu'il commençait à y avoir des retards et chez Apple et chez Meta, il en avait déduit que certainement il arrivera en 2023, mais sans aucune affirmation, il avait dit que c'était possible. Donc là, il dit que Sense and Sinner 2 arrivera en 2023, il en déduit que certainement le casque arrivera en 2023, sauf que Sense and Sinner 2 ne sera certainement pas un casque de lancement. Enfin, je l'espère, parce que c'est pas ce qu'on a vu qui nous montre un jeu abouti. Pour moi, c'est une version Quest 2 avec un logo PlayStation VR 2. Par contre, ce que les gens ont oublié de préciser, c'est qu'il n'a pas dit que ça. Et toute la deuxième partie, en fait, elle a été complètement zappée. Et la deuxième partie, je la trouve un peu plus intéressante. Il avait précisé juste après ça, d'après ce que j'ai compris, Sony avait déjà terminé le développement matériel du PSVR 2. Donc on va dire que physiquement, techniquement, ça c'est réglé. Et la chaîne d'approvisionnement du matériel peut commencer les expéditions massives au troisième trimestre 2022. Donc ce qui bloquerait éventuellement, ce serait les jeux. Donc si Sony n'insiste pas pour avoir plus de 20 jeux au lancement du PSVR 2, le PSVR 2 peut certainement arriver dans les rayons des magasins en 2022. Et ça, personne ne l'a vu. Pourtant, c'était dans le même texte, en fait. Ils ont juste vu la première partie. Donc, ce qu'il dit derrière, c'est qu'il y a un dilemme pour Sony. Donc, soit ils ont le matériel qui est prêt, ils peuvent le lancer, mais c'est les jeux qui bloquent et ils attendent d'avoir tous les jeux. Si le casque sort avec trop peu de jeux, eh ben, ça va être critiqué. Donc il faut qu'ils attendent. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'ils loupent cette période de Noël qui est capitale. Et ça, ce n'est pas la première fois que, de toute façon, on sait que Sony ont toujours sorti leur hardware. Ah ben, j'ai fait justement un petit récapitulatif rapide. En fait, ils ont toujours sorti tout leur hardware, soit en septembre, octobre ou novembre. Sony, à part trois fois. La première fois, c'était pour la PS2, elle était sortie au Japon le 4 mars 2000, et la PS4 qui est sortie le 22 février 2014 au Japon. Mais en même temps, Noël au Japon, c'est pas exactement pareil que Noël aux USA ou en Europe. Donc c'est peut-être moins... Il y a la fête de Noël, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis ensuite, il y avait eu la PS3 qui était sortie le 23 mars 2007 en Europe. Mais dans ce cas-là, c'était un souci qu'il y avait eu sur les disques optiques. Donc c'est pour ça qu'on l'avait eu plus tard. Par contre, si vous regardez sur toutes les sorties, ils ont toujours profité de cette période de Noël. Donc qu'on voulait dire par tout ça, c'est qu'en ce moment, il y a un courant qui dit que le PSVR 2, un courant qui est presque acquis par tout le monde, en fait. Ouais, c'est bon, il sortira en 2023. Nous, on ne dit pas qu'il ne va pas sortir en 2023, on ne dit pas qu'il va sortir en 2022, on dit que les deux sont encore possibles et qu'il ne faudrait pas non plus être certain qu'il va débouler en 2023 si on a une surprise pour Noël de 2022. Donc voilà, c'était une petite précision qu'on voulait faire. On a fait un article complet et n'oublions pas non plus que l'usine Gore-Tec qui travaille tout ça, elle a aussi validé qu'elle allait livrer 1 à 2 millions d'unités de PSVR 2 à la fin de l'année 2022. Donc il y a quand même des gens dans l'industrie qui continuent à préciser. Alors, s'il arrive en 2023, c'est possible que les jeux ne soient pas prêts parce que, justement, on parlait en début d'émission, 2022. Il y a des développeurs, des développeurs qui reçoivent le PSVR 2 que maintenant, donc faut voir. Mais c'est vrai que 20 jeux. Alors le PSVR, il avait été lancé, il y avait 30 ou 35 jeux quand il a été lancé. Là, ils ont réduit Jim Ryan a dit qu'il n'y aurait que 20 jeux, le line-up, ouais. Là, Jim Ryan ne dit qu'il n'y aurait que 20 jeux pour le lancement du PSVR 2, ce qui pourrait coordonner avec... disons que le PSVR est sorti avec 35-40 jeux en le premier jour. Alors, je ne te dis pas les jeux, il y avait pas mal de merde. Mais est-ce qu'il y avait des vrais jeux dedans? Mais s'il divise comme ça qu'il n'y a que 20 jeux, c'est vrai que c'est aussi possible pour pouvoir essayer de le lancer un peu plus tôt. Donc, on verra. En tout cas, à l'heure actuelle, au 30 juin, on n'a pas le droit de dire qu'il va sortir à coup sûr en 2023. Les deux sont possibles, 2022 ou 2023. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Ouais, il nous tarde en tout cas. Le plus tôt sera le mieux en tout cas. Et ben, si vous voulez en savoir plus ou relire ce que Laurent vient de nous raconter, et ben du coup vous pouvez aller voir l'article directement. Très intéressant et surtout comme toujours bien documenté. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Après, est-ce qu'il vaut c'est toujours pareil. S'ils te sortent le casque, en fait, s'ils le sortent rétro-compatible, réellement, s'il y a moins de jeux au départ, c'est moins grave. Mais étant donné que j'ai pas l'impression que le catalogue sera rétro-compatible du fait des contrôleurs, hormis si le truc arrive à traquer les PS Move et que du coup problème résolu. Mais sinon, ça vaut mieux qu'ils attendent 2023, quoi. Ils passeront ce Noël là sans avoir de casque, on va dire, sous le sapin, et puis ça sera pour l'année d'après, quoi. C'est pas sûr parce que Noël, c'est quand même les fêtes de fin d'année, c'est quand même les plus grosses ventes. Là, si Gore-Tec annonce entre 1,5 million et 2 millions de casques livrés fin 2022. C'est énorme pour de la VR. 2 millions, ça peut faire rire pour de la PS5, c'est un petit stock. Si vraiment il livre 1,5 million de casques fin 2022, le PSVR s'est vendu qu'à 5,6 millions. Ça veut dire que juste au lancement, il y aurait déjà pratiquement un tiers de tout ce que le PSVR a vendu sur toute sa vie qui serait lancé. Donc ce serait quand même un gros lancement. Ça veut dire qu'il y aurait du stock, en fait. Et puis après, l'autre truc, moi, c'est que ce Noël là qui est justement, c'est pendant ces fêtes, il y a tout ce parc de joueurs qui ont déjà réussi à avoir la PS5. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà je ne sais plus combien, c'est 16 millions ou 17 millions de PS5 dans le monde. 20 millions. Tu vois, ça a monté. Et 20 millions de PS5, c'est des acheteurs potentiels du PSVR 2. Si en plus, ils veulent un petit peu le lancer sur le PC, ces 2 millions ne seront pas de refus pour juste la période de Noël et avoir un réapprovisionnement 2-3 mois plus tard. Et puis au niveau des dev kits aussi, enfin, on n'arrête pas de dire dev kit, mais c'est même pas un dev kit, un casque VR, c'est un casque VR, le dev kit, c'est la PS5. Quand on voit les expéditions de dev kit PSVR 2, on voit qu'ils ont déjà expédié entre 1500 et 2000 dev kits dans le monde. Ça veut dire qu'il y a 2000 développeurs qui ont déjà le casque dans les mains, dans les petits studios, ou 1500 développeurs, je ne sais pas. Ce qui veut dire que potentiellement, la machine est en route. Alors après qu'il y ait 20 jeux au lancement, j'entendais des gens sur Twitter ou même sur notre Discord qui disaient « Putain, il va falloir se payer le casque. Déjà, j'ai pas la PS5. Après, il va falloir se payer les jeux. Et putain, s'il y a 40 jeux au démarrage, mais putain, il va falloir faire un choix. » Alors finalement, est-ce que s'il y a que... Il faut toujours faire des choix. Ben, ouais, disons normal, que quoi. S'il y a que 20 jeux, mais que si au milieu t'as un Horizon, t'as un GT7, t'as un God of War, t'as un je sais pas quoi, et t'as quelques petits jeux, mais t'as aussi un 5 ou 6 gros trucs. T'es pas obligé de tous les faire tout de suite, ces jeux-là, au bout d'un moment. Si, aujourd'hui, il faut que tu fasses les jeux quand ils sortent, parce que sinon, après, c'est plus intéressant. Faut faire ce qui sort au moment où ça sort. Ouais, mais je comprends pas, moi, ça, perso. À quoi ça sert d'acheter le casque avec les 40 jeux le jour J, quoi? Tu t'achètes tes 20 jeux, t'as déjà 3-4 jeux pour Noël, t'es content. Et puis 6 mois plus tard, les jeux vont arriver. À quoi ça sert? Non, c'est pour les stats. Je trouve que c'est bien. Comme tu disais, les plus grosses ventes des jeux et surtout les plus grosses analyses des ventes et du succès d'un jeu se font les 15 premiers jours ou les 3 premières semaines. Oui. Donc du coup, c'est ça qui est important aussi. Si tu veux une suite, en gros, faut l'acheter day one. C'est un peu mal vu de voir comme ça. Un casque PSVR 2 qui se lancerait avec 50 jeux, ça veut dire qu'ils vont tous se tirer la bourre, les devs entre eux, pour essayer de passer devant les autres, pour essayer de... Alors que finalement, s'il n'y en a que 20, bah, ça leur laisse derrière plus de temps pour sortir un an plus tard leur jeu quand il y a quand justement le creux de la vague, c'est là que tu te fais remarquer. Quand il n'y a pas trop de jeux, tu sors le tien. Plutôt que de balancer en masse comme ça un line-up de fou qui va séduire que les mecs qui vont même pas acheter le casque, qui vont laisser un commentaire lors d'un state of play, qui vont dire ouais putain le line-up il y a que 20 jeux, ou ouais il y en a que 10, ou ouais il y en a que 40. Il y en aura toujours qui seront là pour gueuler quoi que tu fasses de toute façon. Mais non, moi 20 jeux, si dans le lot t'as déjà une dizaine de trucs bien potables, c'est un super lancement quoi, surtout pour de la VR. Des consoles Sony sont sorties avec un line-up bien moins étoffé que ça. Ouais, une dizaine de jeux. Dizaine, dont vraiment des grosses merdes. Hein. La PS2 quand elle est sortie. Ouais, mais n'oublions pas que nous avons des jeux comme visiblement Saints and Sinners ou No Man's Sky qui, si, et ça on en avait parlé, sont considérés comme des jeux de lancement. C'est quand même des jeux de la génération de casques VR précédentes qui sont déjà existants. Il est fort. Je suis d'accord pour No Man's Sky, je suis pas d'accord pour Saints and Sinners. Pour moi, c'est pas un jeu de lancement, ça. Il existe même pas. Ouais. calme-toi. C'est une erreur. Tu m'as compris. C'est pas une erreur, c'est qu'ils ont pas commencé le développement sur PSVR 2 et qu'ils nous ont foutu un trailer de PS2. Moi je suis désolé, j'ai adoré Saints and Sinners sur PSVR. J'irai pas jouer au truc qu'ils nous ont montré. J'ai pas hors de question. Mais regarde ce qu'ils ont lancé, je ferai pas demi-tour. Mais regarde ce qu'ils ont lancé comme trailer pour le Quest 2, mais jamais t'as ça en autonome. Ah non, mais ça c'est la dès que tu vois une pub pour le Quest la spécialité 2, mais... la spécialité méta, c'est te balancer une cinématique de fou et puis derrière tu as quelques petites scènes de jeu où là tu te dis ah c'est bon, c'est du Quest. T'as tout de suite, tu vois comment c'est coupé, c'est un peu coup de serpe. Tu vois Star Wars, t'as l'impression d'être dans Obi-Wan. C'est un peu la spécialité de tous les trailers aujourd'hui où tu ne vois que des cinématiques précalculées. Mais ce trailer-là, il fait tâche, mais j'y crois pas. Je crois pas que le jeu sera bon. C'est quelque chose qu'on a subi PS1, PS2, PS3, où on avait des trailers de malade, et quand t'avais le jeu en main, tu te dis putain, ils ont abusé sur le trailer quand même. On l'a subi aussi sur Ark Park, sur PSVR, où il y avait un trailer de fou, et puis quand tu vois le jeu, tu pleures. Sauf que maintenant, on arrive quand même au niveau de la PS5, ou même les derniers jeux PC, à avoir des jeux qui sont plutôt beau, et quand on voit Horizon, tu te dis ah ouais, c'est ça, ok. Et encore, on l'a pas vu dans le casque. Donc avoir foutu un trailer de Quest 2 avec un logo de PSVR 2 clignotant, là pour moi, oui d'accord, il y aura Saints and Sinners 2 qui va arriver sur PSVR 2, mais on l'a pas vu, on a juste vu un truc de Quest 2, et puis le fossé qu'il y a entre une PS5 et un Quest 2, c'est là où ça cloche quoi, c'est là où c'est plus possible. Autant avec la PS4 ça pouvait... Bon, déjà je gueulais, mais avec la PS5 je vais pas gueuler, je vais couper des têtes. Non, ce qu'on a vu dans le trailer, c'est même pas du niveau de la PS4 Pro. Ah mais non, c'est Saints and Sinners, je le trouve magnifique. Donc maintenant je veux plus sur PS5. Voilà. Hop, c'est logique. Tu es exigeant. Ok. Ah non, pas exigeant. Oui. Attends, putain, tu peux. À quoi ça sert? Je rigole, Lolo, calme-toi. Ah non. Ah ouais, elle est où? Non, putain, mais franchement. Ah ouais, laisse Lucille. Le mec est chaud. Réalisé sans mais trucage. Mais non, mais putain, t'achètes pas une PS5 pour jouer à des jeux. Pourquoi PS2, t'as ça à côté de ton clavier? Oui, explique-nous, Laurent, s'il te plaît. Parce que, ouais, c'est... Va te coucher, putain. Va te coucher, je t'ai dit. C'est quand mes enfants me font chier. Pour ceux qui voient pas, c'est une réplique d'arme à feu. Oui, oui, voilà, bien. Voilà. Que Lolo, non, c'est pas une réplique. À côté de son clavier pour taper sur les touches. Voilà. Il a un 9 mm à côté de son clavier. Tout va tout bien. Va bien. Bon, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ouais. Ouais, si vous voulez. Bah ouais. Tu nous fais pas le. Et en plat, vous jouerez à sauf, quoi sauf si je te laisse les clés. Laurent, Little. Puis... Attends, Little Nightmare. One and two. Little Nightmare. Nightmare. Little Nightmare. Little Nightmare. Yeah. Ouais, ça pourrait le faire en VR en plus. Oui. Ah putain, j'aimerais bien. L'ambiance est excellente. Bah oui. Ce serait trop bien. C'est pas toi qui m'avais dit que t'avais demandé au développeur s'il comptait faire ce jeu-là en VR et qu'il t'avait répondu ouais mais on sait pas parce que le mettre en FPS ça serait compliqué. Oui, c'est ça. T'avais c'est envie exactement de leur dire, ça. Mais non, pourquoi bon, si le développeur te dit ça, c'est, ouais, c'est qu'il a pas tout compris à la VR, mais, je crois. Mais il y a un fossé entre les joueurs et les développeurs parce qu'un développeur il a toujours le nez dans son jeu et en fait il voit même pas ce qui se dit à côté, il a pas le temps parce qu'il est à fond dans son truc et c'est fou ça que donc ça, la question a déjà été reposée à plusieurs reprises. Pour Little Nightmare et donc ils ont demandé est-ce que vous allez le porter en VR, l'univers est formidable et la réponse qu'ils nous ont balancée récemment c'est faut voir parce que le jeu il faut le passer à la première personne tout ça mais putain il y a Moss non. Putain il y a non. Non mais non il faut non. L'envoyer tel quel un petit comme ils avaient fait merde à chaque fois j'oublie son nom Beer The Lost Beer The Lost Beer. Beer. Beer. Parce que beer. La dernière bière. Enfin, non, la bière perdue. Et à quoi ça sert? Je sais pas, il y a une espèce, chez beaucoup de développeurs, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de La VR, c'est première personne, c'est anti-rail sur tout ce qui bouge, et c'est alors qu'il y a tellement de choses à faire. Il y en a encore. On se tue à le dire depuis des années et des années. Et finalement, il y en a très peu qui expérimentent justement le côté simple d'une VR simple en 2D. Où... Là, récemment, il y a un super truc, je crois que c'est sur Xbox ou même sur toutes les plateformes, où ils ont refait des petits jeux en 2D comme on avait quand on était petit, sauf qu'ils l'ont remis en page, on ouvre un bouquin et tu joues au jeu 2D dans le livre. Bah, et les mecs, ils ont été inventifs et ils ont retrouvé un nouveau système de ramener un jeu 2D, mais à moderniser. Je sais plus le nom. C'est génial. Génial. Le concept est génial et il y a encore tout un tas de trucs à travailler avec la VR. Et là, il y a des espèces d'a priori. Il faut casser ça et il faut arrêter. Quoi. C'est pas parce qu'on est en VR qu'il faut qu'on soit à la première personne, qu'il faut que ce soit un shooter ou un rail shooter. Et il faut arrêter. Il y a tellement de choses à faire que. Enfin bon, on ne le dira pas assez parce que je crois qu'on le dit à chaque émission. En fait. Eh bah, ben, on le redira encore, on va se gêner, tu vois. Et puis voilà. Mais on le redira du coup à la prochaine saison qui va débuter du coup en septembre. Sauf, comme je le disais tout à l'heure, si vraiment il y a un événement exceptionnel qui nous sortirait de notre torpeur et de nos plages à bronzer cul nu sur les côtes. Donc on verra. Et c'est cette prochaine saison qu'on fêtera la centième. Normalement. Oui. Parce qu'on avait parlé l'an dernier, mais en fait, pas du tout. On réfléchit à faire des trucs. On va peut-être vous proposer quelque chose, en tout cas aux auditeurs qui voudront participer avec nous à cette émission. On est en train de réfléchir. On va voir ce qu'on peut faire. Si on peut faire un petit truc sympa pour marquer le coup, pour remercier vraiment les fidèles. Donc voilà, on vous en reparlera quand on en saura un petit peu plus. D'ici là, on vous souhaite de bien transpirer cet été dans votre casque. Et puis on vous fait de gros bisous et puis on vous dit à dans 2 mois. Ciao. Quel beau siège. Bisous. Salut. Quel beau siège en cuir. Et l'instant promo, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur le site, la chaîne et compagnie. Ah, les pouces bleus, le Tipeee. L'amour, la passion du jeu. Voilà. Ouais. Allez, salut. On vous aime. On vous aime. Attends, c'est comment on fait? Ciao. Va falloir l'assumer ça. Moi j'assume pas. Ah si, ça dépend si c'est un second degré, c'est vrai. Bah oui, là. Non, mais moi j'aime personne. Oui, mais ça, on le savait. De toute façon, toi t'aimes que No Man's Sky. Exactement. J'aime personne, j'aime. Faut être un geek pour que je vous aime. Seuls les joueurs de No Man's Sky comprendront la vanne. Bon bah voilà, c'était bien. Ah mais c'est fini là. C'est ouais, c'est... Bah ouais, c'est fini. Je croyais que la fin n'était pas lancée du tout. Putain, mais le mec il comprend rien quoi. Allez, allez, vous voulez redire au revoir. On redit au revoir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve en septembre. Putain. Et en août, s'il se passe quelque chose, on se fait une émission en maillot de bain sur la plage. Parce que ça va être difficile. Ça va être pas avec la serviette. Ah, en fait. Ah, peut-être pas. Attends. Ah non, je suis peut-être nul en fait. Non, c'était tiens. Bien une mort scandaleuse. Ah oh, merde, il va le faire. Pour toi. Putain, il a mis la guide. Il a mis la gratte. Niveau périphérique audio détecté. C'est pas chouchou. C'est ça, hein? Ah, je crois. Hein. Attends, rapproche-toi un peu du micro parce qu'on a deux notes sur quatre. Oui, c'est ça. Ah, il faut augmente le. Sensibilité. Le déclenchement de ton micro. Say. Say. Comme ça va. En fait, il nous entend pas ou alors il le si, fait. Si, je vous entends. Mais... Ah, mais j'ai plus de caméra. Non, mais c'est juste comme ça. Je l'avais promis à l'aéroco. Ah, en fait, j'ai débranché la cam aussi. Avec les notes qu'on a entendues, ça ressemblait. Bon. Oui. Pour le moment, tu bouges pas encore. Tu sais, genre. Ouais, genre ça. Ouais, non, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis. Oh. Ouais, oh. Oh. Hein ouais, parce que. Oh. Ouais, oh. Oh. Oh. C'est parfait. Mais merde, meilleur argumentaire ça. Je sais plus c'était dans quel épisode ce truc là. Mais ouais, c'était génial. Je sais plus non plus. Je sais pas si c'est pas les pubs. La pub préférée ou un truc. Je sais pas, c'est le David Godenoff, je crois, qui balance ça. Non, c'est Seb. Non, mais je crois que c'est ça, c'est sur les pubs. Bah oui, c'est Seb. Oui, mais c'est Seb dans sa personne de Seb, si tu veux pas, dans un personnage X. Ah, ok. Bon, alors on est pas mal, donc ça, hop, on réduit, on met le navigateur internet à côté, hop. Ah, excusez-moi les gars, petite pause. Jusqu'au bout. Sérieusement. Bah, c'est chaud quoi. Non, je pense que ça va foirer tout le long de l'émission ton truc. De quoi ? Le flou. Attends, en fait je crois que c'est à cause de ça, attends. Non, moi je pense que c'est parce que tout ton décor autour est trop clair. Ah, bah trop ça peut s'arranger, lumière. Attends. Amazon, bureau en bleu. Et là, ça devrait être mieux. Oh putain, par contre, fais pas ça, parce que c'est fibre. Avec l'aberration chromatique dans les yeux, là, ça fait... Oh, elle est belle celle-là. Capture. Ah, elle est belle. Voilà. Ah merde, mais je crois qu'il a pris la foudre là. Ah non, on l'a perdu là. Ah ben la grêle. Je cherche pas. Ils avaient raison, la MAF assurance. Mais non, mais et tu vois, vu sa connexion chez lui, putain, tu rien qu'un grêlon qui tape sur une tuile. Tu vois, ça, on a bien fait de pas commencer. Hein. C'est exactement ce que je me disais, ouais. Ouais, tu vois, je le savais, je l'ai senti. Là, il n'y a plus d'électricité dans ton village. Ah, moi, ce nez. Regardez, on a la photo du malaise. Je sais pas dans quel sens faut le faire. Ah, t'essayes de faire la même tête ? Mais non, c'est le lol. Bah, t'es à l'envers. Attends. Bah, ouais, alors c'est pour ça que je disais, je suis pas dans quel sens faut le faire. Ouais, les boomers. Wow. Ah, c'est grosse ambiance ce soir. On a pas commencé encore. Eh bien, il est 23h pour cette émission autour d'un verre. Bienvenue sur FIP. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous à mon OnlyFans. Ah, il est mort. Alors voilà. Et tu vois, j'en ai discuté avec lui, il a du Vive Pro 2. Et lui, il en est devenu fan. Hein. Il m'a dit même le confort. Ouais, il m'a dit même le confort. Il dit franchement, je dis non, putain. Enfin, moi, je dis j'avais. En fait, c'est là, au niveau du nez, ici, là, que ça fait. Enfin, t'as l'impression d'avoir un mur contre le nez, quoi. En fait, c'est un effet masque de plongée, quoi, que t'as. Ouais, ouais. Comme ouais, le premier chez Sevive, c'est un truc. Je sais pas, mais c'est raide, en tout cas. Alors que là, tu vois, j'ai remis le PSVR tout à l'heure. Franchement, enfin, t'as le visage libre, quoi. Enfin. Tu peux. Moi, en fait, j'ai ma life. Hein. J'ai un problème de cloison nasale. Francis Casse ma life. Enregistre pour les réseaux sociaux. À cause des haters sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai du mal à respirer. Non mais c'est. Quel connard. Je fais une allergie permanente. Je suis une allergie au connard, en fait. Dès que je pose un truc un petit peu sur. Sur le pipe, j'arrive plus à respirer. Et quand je mets le HTC Vive, en général, j'arrive plus à respirer. Ce qui est bizarre, c'est quand je bouche mon nez comme ça, j'arrive plus à respirer. Je comprends pas. Alors, des fois, j'ouvre la bouche, ça marche. Ah oui, t'as pas envie de la gueule. Fermé, donc, bon, c'est le problème, quoi. Ah putain. Oh là là, je te parle du drame de ma vie, toi, tu te fous de ma gueule. Hein. T'es vraiment un enfoiré. Ce craquage. C'est toi qui as lancé les hostilités. Tu m'as dit, je suis chaud, je te prépare pour ce soir. Je suis chaud. C'est vrai. Il est tombé dans les pommes pendant 20 minutes. Il te raconte un moment douloureux. Ah bah c'est ça quand on arrête de respirer. C'est le problème. On parle de quoi, du coup? On lance l'émission ou pas, là? Bah voilà, on va la lancer et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. J'ai envie de dire. Inch'Allah. On commence par les news, du coup, et après on enchaîne sur qui? Surprise. Ah. Ça te va? Il faut que je me prépare. Alors ça veut dire que c'est moi qui commence. Salut. Allez, je me prépare mes petits montages. Voilà, impeccable.